Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is PowerCast, motherfucker. Et bonsoir et bienvenue dans l'épisode 4 de PowerCast. Salut Jules. Salut Clément. Et on est ce soir en compagnie de Mervan, on peut l'applaudir. Merci. Salut Mervan. C'est vrai que j'ai pas précisé, premier épisode avec du public. On applaudit le public. Ouais, bravo. Grand public. Incroyable. Et on est aussi ce soir avec Jess. Salut Jess. Salut Jess. Salut à tous. Bonsoir. Enchanté. Bah attends, je peux te serrer la main? Bah oui, merci. Voilà, on s'en sert la main actuellement, voilà. Très cordial. Alors, émission ce soir consacrée à l'année 2012. On revient un peu à nos thèmes basiques, hein, finalement, de PowerCast, mais c'est pas concept, plus mal. Hein. Ouais, notre concept principal. On va commencer par, avant d'afficher tout ça, afficher les photos, compagnie et tout, on va présenter un peu nos invités. Jules, je te laisse les présenter. Eh bien, écoute, d'abord, on a Jess, né le 28 octobre 1991. Ton animal fétiche est le sage. Le chat. Et le sage, j'ai dit. Oui, t'as dit le sage. Je suis complètement con. Le sage chat, t'étais pas loin. Exactement. Sacha, Bourg-Palette. Lui-même. Écoute, tu es un chat, tu es rapide et curieux. Tes mots-clés sont l'imagination, l'audace, la connaissance et la compréhension. Tu confirmes à peu près ça? C'est ça te correspond? Non. Ah, okay. Non, si, dans l'ensemble, c'est ça. Le site auféminin.fr, donc bon, si on voulait être sûr que ça corresponde. Ouais, mon petit côté féminin, ouais. Ça me correspond bien. T'as un côté félin un peu, toi. Est-ce que t'es rapide et curieux? Rapide, ça dépend. Curieux, ouais. Curieux. Ah. Je suis rapidement curieux, mais rapide tout court, non. Okay, non, ça, okay. Non. Je vois que Mervan, tu es né le 20 mars 1996. Ouais, ils ont fait leur recherche. Ah bah, belle cuvée. Hein. Ton animal fétiche est le sage. Ah non, pas. Ah, merde. C'est pas du tout un animal. Tu es un tigre, tu es un léopard, et c'est marqué aussi les félins en général. Ouais, tous les félins en fait. T'es un peu fourre-tout, si je peux me permettre. Merci au féminin. Ouais, bah, ils sont vachement bons sur tout ce qui est horoscope. Je dirais un petit peu que les mots qui te définissent, c'est genre voyager, bouger, parler, communiquer. C'est ça? Oui. Ah bah d'ailleurs, Phoenix, voilà. Super bien. Ouais, ouais. Il a dit un mot. Et toi Jules, né le 21 novembre 95. C'est exact. Ton animal fétiche, c'est un oiseau, mais plus particulièrement quand même un rapace, un faucon, un aigle, voilà. De mon nez, sûrement. Ouais, c'est, bon, qui forme un peu un bec. Et tes mots clés, c'est combattre, lutter, donner, aimer et désirer. Oh là là, c'est beau. Combattre et lutter, vu comment je me suis défendu la semaine, enfin on la, se rappelle le dernier PowerCast, le dernier PowerCast où tu t'es bien battu. Ouais. Clément, on doit se battre. Dans le porc. Ah oui, ouais. Oui, il y a un moment. Il y a un moment au jeu de l'arène. Ouais, et voilà. Il n'en reste qu'un et c'est lui qui a le privilège de fermer le podcast. Bah, en fait. La table est carrée, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça se transforme en octogone. Là. Oh oui. Ah, merde. Magnifique. Alors, Clément, toi étant né le 22 janvier 1997, ton animal fétiche est, tenez-vous bien, la loutre. Moi, je suis une petite loutre. Ouais. Ça envoie, hein. Putain, la loutre, mon gars. Tes mots-clés sont joyeux, courageux, amical, serviable. Oui. Je rajouterais même espiègle. Personnellement. J'ai un regard un peu espiègle, ouais, on peut le dire. C'est parce qu'il louche. Obtus, tu sais, le mec qui donne des trucs super louches. On va afficher les photos, tiens, on va en profiter. Voyons nos gueules. Voilà, un magnifique gueule de 2012 par Mervan. Voilà, l'année 2012, alors, de quoi on va parler dans cette année-là, Jules? À l'accoutumée, nous allons parler de tous les films, séries, spectacles, jeux vidéo, musique et tutti quanti, je dirais, sortis en 2012, selon notre recette efficace et parfaite. Et on va commencer, après avoir présenté vaguement nos invités, enfin vaguement non, même précisément en fait. Ah oui, avec des animaux même. Par notre rubrique, la rubrique préférée de personne, je sais pas, Obama, le Fist and Curious. Il nous a écrit. Alors on va commencer par toi Jess, on va te poser des petites questions. Tu sais comment marche un Fast and Curious? Ouais, ouais. Voilà, on va te poser deux propositions, tu devras en choisir une très rapidement, spontanément. Ouais. Est-ce que t'es prêt? Je rappelle que je suis pas rapide du coup. Faut le noter. Oui, oui. Mais t'inquiète, on a un accompagnement à la guitare qui sera pas rapide, donc ça va. On va... Ok. Allez, te vas-y. Laisse pas déconcentrer. Je vous attends. Yeah. Non, je déconne. Apex Legends ou League of Legends? Oh, Apex. Ah. Ted Mosby ou Barney Stinson? Ouais, Ted Mosby quand même. D'accord. Obi-Wan ou Anakin? Ouais, Obi-Wan pour la sagesse. Bien joué. All Time Low ou NoFX? NoFX ou All Time Low, ouais, c'est dur. Ah, tu dis NoFX? NoFX, ouais. Pardon. Allez, j'irai NoFX plus pour le côté punk. D'accord. Une bonne couette ou une bonne barbe? parle de la couette chevelue, je pense. Oui, oui. Ouais. Bah, je dirais les deux en ce moment. C'est vrai. Oh, écoute, c'est un joker. Notre-Dame ou Damso? Oh, Notre-Dame, j'écoute pas trop. Putain. T'aurais pas donné, t'aurais pas fait une petite campagne caritative pour Damso, par exemple? Si c'était fait brûler la gueule. Oh putain, le pauvre. Waouh. C'est violent. Excusez-moi, pardon. Il y a un procès. Ouais. Bon, on va refermer le PowerCast. Hein, on va me retrouver dans l'octogone, ouais. Bon. Merven. Merci. Waouh. Pas de soucis. On apprend un peu plus sur toi. Merven, jeu rétro ou jeu moderne? Moderne. Je me permets de t'arrêter déjà là, pourquoi? Ah, justifie, développe. Bah, en fait, à l'époque des jeux rétro, j'avais vraiment pas de console. Donc voilà. C'est vrai que moi aussi ça arrivait tard. Mais maintenant, tu vois, donc, je me retrouve à préférer les jeux rétro par contre. Ouais, mais. Genre, non, pas tant. GameCube et tout. Genre GameCube, j'y jouais chez des amis, mais enfin. C'est pas moi, si ma première vraie console à moi, j'ai joué souvent sur Game Boy Advance, tout ça, ouais. Bon, on peut dire que c'est un peu rétro, mais ma première vraie console c'était la Wii, tu vois. Et ouais. Après, en console un peu plus gaming, la PS4, tu vois. Donc, ah ouais, ouais, t'es donc passé c'était, de... moi je suis. J'ai vu les gens jouer et tout, comme ça, j'étais putain, mais moi aussi je veux. Et bah, j'ai commencé avec la PS4. T'as fait le PC entre temps? J'avais un PC de merde. Donc si je. Allez, on va dire jouer à. Encore maintenant. Jouer à Warcraft 3, Age of Empire et tout. Ah, donc quand même, des bases sûres, on va dire. Maestro. Prequel meme ou dank meme? Je l'ai très mal dit. Prequel meme, clairement. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Parce que moi j'ai mis. Faut expliquer parce qu'on sait jamais. Prequel meme, c'est les mêmes de la prélogie. Donc, c'est tout sur Reddit, hein, le site Reddit. Ouais, c'est sur. C'est quoi les mêmes de la prélogie, c'est-à-dire? Mais la prélogie Star Wars en fait. Ah, d'accord. Donc, vraiment ciblé quand même. Ouais. Après, dank meme, c'est surtout de l'ironie en fait. C'est que des délires un peu hype qui sont détournés. Et à l'extrême. Voilà, c'est ça. Mais en fait, dank meme, c'est même pas drôle en fait. Ah ouais, bah c'est tout le délire, c'est que c'est drôle parce que c'est pas drôle justement en fait. Oui, oui. Et prequel oui. Même, ça me fait encore rire. Oui. En fait. Maestro. Pardon. Vald ou Damso? Ah, Vald. À ton tour d'ailleurs, Notre-Dame ou Damso? Notre-Damso. Putain, merde. Ils se disent tous des jokers. ODD ou gros tété? J'ai un camoulox. Ah, gros tété. Bon. QLF ou QCM? Un bon QCM, franchement. Oh non, QLF, clairement. Que la famille. Que la foire fouille. Et alors, toi qui es un homme plutôt galbé musculairement, cuisse ou pec? Ah, cuisse, clairement. Les Français veulent savoir. Clairement. Cuisse. Toi, c'est cuisse. Ouais. Plus cuisse, non, mais si, franchement. T'es un homme de cuisse. Là, très bien. On l'appelle la forte cuisse. Très bien. On va maintenant passer à nos recommandations de chaîne YouTube. Tout à fait. Donc on vous a demandé à vous deux de sortir de vos petits... De derrière les fagots. Voilà, ouais, c'est ça que je veux dire. Des petites chaînes YouTube à recommander que vous aimez bien, qui sont pas forcément très connues, qui ont peut-être pas beaucoup d'abonnés, ou peut-être qu'on en a déjà pas mal, mais qu'on connaît pas. Et donc on va commencer par toi, Jess. Je vois que t'as déjà ton portable dégainé. Ouais, mais sans internet, du coup ça va être plus en impro. Ah, tu veux que je te donne la wifi? Je t'ai pas donné le code wifi. Alors pendant cette petite mise en place, Mervan, un petit rap. Un rap? Ouais. Oui. Yes, oui, c'était oui, Mervan oui, sur oui, Planète Rap. Voilà. On a oublié de présenter les. Avec son titre, oui. Les 5 secondes d'improvisation. Ah oui, on a un petit concept qui s'appelle interruption imitation qu'on a appelé comme ça parce qu'il fallait lui donner un nom. Ouais, franchement, en fait. C'est simplement que tout au long de l'émission et n'importe quand, vous pouvez interrompre n'importe qui autour de cette table pour lui demander de faire par exemple 5 secondes d'imitation de Nelson Montfort ou 5 secondes de rap sur les. Combien les de fois on a le droit de faire ça? Autant de fois, c'est non. Libre. Ah, c'est autant de fois tant que c'est pas lourd. Ouais, voilà. Ouais. En fait, le public tranchera quand c'est lourd, en fait. Ouais. Il vous tranchera la gorge. On verra quand ça se déconnecte, et là, peut-être on arrêtera. On réduira un petit peu. Ça nous dit, Mervan, 5 secondes de PNL, tout de suite, là, dans le chat. Les gens, je pourrais même pas dire... Gros tété. À part, ouais. Bah, vas-y. Il dit quoi? Bas les couilles, l'Himalaya. Bas les couilles, vise le sommet. Mon cœur fait oulala. Crime passionnel que je connais. J'arrêterai là. Tu vois, quand il y a oulala dans les paroles, c'est déjà qu'on est attends, sur. Ils ont fait rimer Himalaya avec oulala. Oulala. Mais attends, ah ouais, bah attends. Il y a de la plume, ouais. Créer tes rimes, quoi. Ouais, bah. Ok. Bon, t'as une chaîne YouTube à oui, recommander j'ai bah, plusieurs. T'en avais plusieurs, tu m'as dit. Alors, tu peux en mettre une ou deux si t'as envie. Vas-y, alors, c'est libre. Raconte-nous tout ça. comme chaîne YouTube en ce moment que je regarde bien, il y a une chaîne, bon c'est pas vraiment une chaîne de niche, c'est Petrolicious. Alors c'est qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est une chaîne qui est que branchée voiture et moto et tout. Sauf que il y a une très belle, c'est vraiment très bien filmé et ils prennent le temps de faire des interviews avec les gens qui ont qui possèdent ce genre de caisse ou ce genre de moto. Et de base, moi, je suis vraiment pas trop culture voiture. Je trouve que en France, c'est vraiment, tu vois, Jojo culture, Tuning, ouais, Fast and Furious, voilà. Et là, en fait, c'est vraiment, ils traitent plutôt ça comme de l'artisanat et c'est super intéressant et c'est très bien filmé. Très bien. Voilà. Jess, est-ce que tu as trouvé? Ouais, t'inquiète, moi aussi j'en ai quelques-unes. Parle un petit peu plus près de ton micro. Ouais, je suis un peu loin. Ouais. Effectivement. Moi je vais partir plutôt côté musique et une chaîne pas hyper active, mais... Alex Boot. Effectivement, elle n'est pas active. Ouais. Non, mais Acapella Science, okay. Qui est en fait une chaîne que j'ai découvert avec des reprises et qui fait en fait justement des reprises de musique connue. Mais avec des paroles scientifiques en fait, qui expliquent des concepts scientifiques. Ah. Et donc, en fait, c'est super bien fait. Le mec chante super bien. Mais donc, que a cappella, il n'y a que le mec qui chante. Oui, il est a cappella, bien sûr. Du coup, pas il fait ça. Pas d'instru, mais... ouais. Ouais, c'est pas d'instru. Et, franchement, il y a 2-3 bons sons qui sont vraiment cool. Et ça fait plaisir. Et puis, en plus, ça explique plein de trucs cool. Si t'es à l'aise avec l'anglais... franchement foncé parce que la moi, science j'adore. De la musique un peu, enfin c'est un peu technique ou c'est hyper technique, ouais, c'est genre méga technique, ouais. Mais du coup pour le coup il y a des bonnes rimes, mais il place des formules, ouais. Ah, il place carrément des formules, ouais. Non, ça parle de relativité, ça parle d'espace-temps, il y a énormément de choses, c'est vraiment cool. D'accord. Et puis en plus les clips sont cool, la musique est cool, donc... Ah, il y a un clip avec accompagné, ouais, vraiment, c'est ouais, pas ouais, juste ouais. Lui devant sa devant son micro ou... Non, il fait des trucs et tout. D'accord. Y a une musique où il a tout tourné à l'envers, donc il a appris il a pris les paroles de la musique à l'envers pour pouvoir le retourner. J'en avais entendu parler de ça, je crois. Bah, on ira écouter, on ira voir surtout. Et voilà. Clément, moi j'avais une reco qui était encore musicale. Alors, bon, après, c'était pour pas. Tu peux faire la tienne avant, Jules, mais faut que tu veux. Non, bah je vais faire parce que t'as honte. Non, c'est juste parce que c'est aussi de la musique. C'est pour varier. Ah non, un peu, c'est non. Pas grave. Moi, ma chaîne, c'est la chaîne d'un monsieur. Mais c'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est aussi un Facebook. En fait, enfin, c'est tout un gars, mais il a sa chaîne YouTube et je vous conseille d'aller voir. C'est Marc Rebillet, je sais pas comment ça se prononce, qui est de français à la base, je crois, mais qui vit pas mal aux États-Unis et tout. Et qui est en fait un. Je sais pas comment le définir, ce gars. C'est un peu un DJ. Si, parce qu'il fait des soirées. En fait, c'est un DJ en soirée. Mais qui chante en même temps, qui sample des trucs. Et en fait, sur sa chaîne YouTube, son concept un peu principal, c'est à chaque. Avant ses concerts ou après ses concerts, il s'enregistre face cam comme ça. Il fait tourner des samples qu'il enregistre en direct. Donc, c'est-à-dire qu'il fait tout, tu vois, un par un faire ses samples. Et après, il se met à rapper dessus en rapport avec ce qu'il a fait. Donc, il y en avait une où il en avait trop marre, il avait plus envie de faire de musique. Donc, il sample sa voix et qui dit en anglais, je veux plus faire de musique et tout. Et il part dessus, il rappe et tout. Et il improvise, je pense qu'il improvise pas mal. Et il a un putain de flow. Et voilà, après, c'est très cool. Et du coup, bah, vous pouvez aller voir son Insta, son Facebook, le voir en concert parce qu'il était passé à Lyon il y a pas longtemps. Voilà, Marc Rebillet, ce qui est pas mal. Voilà. Excellent. Et c'est un gros okay. Personnage surtout parce qu'il remue beaucoup sa tête, si vous allez voir, tout le temps. Voilà. Tu m'étonnes qu'il en a marre de la musique. Grosse si nuque. Mais non, mais il remue tout le temps la tête. Très musclé de la nuque parce que c'est impressionnant comment il remue. Après les concerts, il s'arrête plus apparemment. Je sais pas comment il fait. Mais voilà. Voilà. Le coucou. Moi, je vais vous présenter une chaîne qui s'appelle Les Chroniques de Monsieur Plouf. Monsieur Plouf, c'est un testeur de jeux vidéo. Déjà, j'aime sa présence, etc. Il a une voix qui te pose un peu, et surtout ce qui est un peu particulier chez lui, c'est que lui aussi il fait un peu tout lui-même, et donc c'est pas juste qu'il se filme devant sa caméra, c'est que en fait il fait des dessins bon pas très détaillés mais quand même avec son style à lui, tout animé. En fait, il se fait chier à chaque fois à animer chaque mouvement qui illustre son propos, et il te fait des petites simplement des petits tests comme ça. Il est assez sévère sur certains jeux, je trouve. C'est pas quelqu'un qui va se laisser emporter par une vague. Voilà, ouais, non, mais je vois, genre par Apex qui a été unanimement quand même salué, tu vois. Je pense que s'il fait une vidéo, j'ai pas vu récemment, il se laissera pas avoir par ça, et il essaiera un peu de prendre le contre-pied tout en n'oubliant jamais. Et puis il analysera le fond en mode avocat du diable. Un petit peu. Et non, après, je le trouve assez lucide. Et puis, il faut aussi des reviews sur l'E3. Et moi, à chaque fois, je les suis assidûment. C'est cuit. On a les pizzas qui sont cuites. La pizza est cuite. Elles sont peut-être un peu cramées, même. Je sais pas combien de temps. Ah là là, il faut checker. Ça gère. Le public gère les pizzas comme jamais. Ouais, on s'est payé un public pour faire ça. Ok, on ira aussi regarder, y a pas de soucis. Merci en tout cas les gars, t'avais peut-être une deuxième chaîne à recommander Mervan, ou comme tu veux, si t'as envie, y a encore le temps. Moi, je suis chaud pour un deuxième tour. Hein. Ah, un deuxième tour peut-être pas, mais... Chaud. Oui, non, j'avais une deuxième chaîne. Allez, j'ai balance. J'ai hésité longtemps. Franchement, il y a le temps, entre nous. C'est Entertain the Elk. Alors c'est très compliqué à écrire. The quoi? The Elk? The Elk, oui. Ça veut dire quoi? C'est un animal à cornes. C'est un animal à cornes. C'est Entertain, comme Entertainment, et D, comme D, et Elk, ça s'écrit juste E-L-K. Okay. Est-ce qu'il est plutôt félin comme toi, cet animal? Non, pas du tout. Ah merde. Il a des cornes. Il est pas rapide et curieux, rien de... Pardon. Peut-être. Et en fait, c'est un gars qui fait des espèces de reviews de films, mais juste sur les thématiques des films. Pas sur le film en lui-même, mais juste sur le thème important du film. Par exemple, il a fait un truc sur un cinéaste. Il y a un cinéaste japonais qui s'appelle Satoshi Kon. Le mec, il fait des animés, tout ça. Il a fait Perfect Blue, par exemple. Et la thématique récurrente, c'est l'amour. Et le gars, du coup, il a fait un truc qui parle de l'amour et tout dans le cinéma. Et comment ça se dans le cinéma. Ouais, ensuite, il revient sur le sujet réalisateur. Et c'est vraiment pas mal. Donc, c'est vraiment super bien foutu. C'est pas de l'analyse technique d'un film en particulier. Non, c'est vraiment de l'analyse thématique. Voilà, c'est ça. C'est vraiment de l'analyse thématique. Tout est en anglais. C'est tout en anglais. Pour les un petit peu les anglophones, quoi. Les habitués de la langue de Shakespeare, quoi. Si je peux me permettre. Jess, t'en avais une autre? Tant qu'on y est. Ouais, peut-être un peu plus connue, peut-être qu'elle parle à d'autres personnes, mais je suis vraiment tombé amoureux de cette chaîne. C'est la chaîne de Colas Beam, qui... Ça me dit quelque chose. Il y a dans le public, ça connaît. Ça applaudit dans le public. Ah, exactement. Donc Colas Beam, qui est un excellent dessinateur, et en fait qui fait des podcasts vidéo, dans lesquels il va dessiner, raconter sa vie. Et il a un humour juste incroyable, il me fait trop rire. Les dessins qui accompagnent ces vidéos sont super. Donc, moi je me fends la poire à chaque fois et je recommande. J'ai dû regarder 10-20 vidéos d'affilée tellement il était drôle. Et l'anime est bien en plus, il me semble. Enfin, c'est super bien animé, c'est très très drôle. C'est très propre. Le dessin est drôle, son texte est drôle, donc vraiment allez-y. Très bien, et ben merci pour votre deuxième fournée. S'il vous plaît. Non, mais c'est un bonus. Votre deuxième portée. On va passer à un petit jeu, alors vraiment vite fait, ça va aller vite, mais bon, c'est en rapport un peu avec l'année 2012. Je vérifie, en fait, je suis sur mon portable, mais c'est parce que j'ai les trucs. Ça s'appelle, bon, je l'ai appelé le jeu des tweets, mais bon, on aurait pu trouver d'autres noms, mais vous verrez que c'est assez évident. En fait, j'ai ressorti des tweets un peu connus de l'année 2012, parce qu'heureusement, en 2012, il y avait Twitter. Et qu'est-ce qu'on aurait fait, il faudra juste me trouver un peu le qui a écrit ça, en fait. Et c'est très très simple. Surtout le premier, vous allez le trouver tout de suite. Et après, ça partira dans des trucs un peu plus précis. Barack Obama. J'ai pas traduit. J'aurais pu, mais bon, on va le faire. Voilà, ceux qui sont en anglais, je les fais en anglais. Et puis, ok, ça vous va? Allez, on fait ça. On traduira de toute façon après, bien sûr. Oui, voilà. Ouais, enfin, celui-là, peut-être pas. Alors, premier tweet, j'ai un accent de merde, hein. Alors attention, c'est parti. The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make US manufacturing non-competitive. C'est Donald Trump. C'est Donald Trump. Ouais, c'est 2012. Il n'était pas encore président, il a sorti ce tweet c'est ressorti en fait pendant sa campagne, etc. Voilà. Ça fait sens. Donc c'était le tweet de Donald Trump sur le réchauffement climatique. Ah, comme quoi il a pas attendu d'être président. Ah pour, non, pour le mec, il y a merde, déjà quoi. Avant il y allait. Voilà. Alors un autre tweet qui me fait un peu rire quand même. Vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Avec un smiley point virgule cligne des yeux quoi. Même, voilà. Ouais, Marine Le Pen. Alors moi j'aurais dit genre plus. On est d'accord que du coup c'est francophone. C'est francophone. Donc ouais. Moi j'aurais dit Jean-Claude Van Damme, un truc comme ça. Non, alors en fait il y a trois tweets. Si vous voulez, là je vous ai lu le premier, il en a fait deux autres après. Donc si vous voulez, okay. Il en a fait deux autres. Ah putain. On voit le détective là. Toi tu vas aller voir détective. Je continue alors. Ça c'est. Je m'en fous des Césars, je n'y ai jamais mis les pieds, je suis juste choqué par le manque d'intérêt, je devrais faire des films plus simples. Squeezie. C'est quelqu'un qui était un peu énervé. Est-ce que ça a trouvé François Ozon, qui était un peu énervé. Ça a pas trouvé dans notre chaîne. Des films plus simples. C'est pas Jean-Claude Van Damme. Oh, Gérard Depardieu. Ouais, parce qu'il peut pas faire des films plus simples. Depardieu. Voilà. Franck Gastambide non plus. Non, non. Non, mais Gastambide n'était pas si connu à l'époque. Ah, alors attendez, j'ai pas fini. Là, après, il met un hashtag avec le titre de son film qu'il avait sorti au César. Mm-hmm. Et il dit: une seule nomination au César, j'encule le cinéma français. Allez vous faire baiser avec vos films de merde. Mathieu Kassovitz. C'est Mathieu Kassovitz pour l'ordre et la morale. Ouais. Il avait sorti ça, c'est un peu le. Après, du coup, c'est un peu devenu le mec toujours vénère partout sur Twitter, quoi. Mais voilà, il avait dit ça, qu'il enculait le cinéma français, quand même. C'est pas mal. Ah oui, c'est pareil. Allez, un autre tweet. Four more years. Donc 4 années de plus. Voilà. Oui, Barack Obama. Jesse, allez chercher. Voilà. Ouais, toi, allez, laisse un timing pour aller chercher une pizza. Je l'ai vu un peu foncé. Ouais, c'était Barack Obama avec une super. Il a gagné en étant même allé chercher sa pizza, le gars. Ouais, il y a la petite photo. Voilà, il a mis une petite photo avec Michel. Où il lui faisait un petit hug. On te salue, Michel. Allez, un autre, ça vous plaît, c'est bon. Moi j'adore, moi je kiffe. Ouais. La pizza ou ouais. C'est accessible pour l'instant. Eh oui, non, c'était pas Dolan qui enculait le cinéma français d'ailleurs. Ah oui, Dolan, putain, j'ai la référence. Alors, étonnamment, hein, je sais pas si vous allez le trouver celui-là, il est pas évident parce qu'il faut connaître déjà le gars. Mais en plus, ça a rien à voir quoi. C'est fini, je suis convaincu, la politique de droite ou de gauche, je n'y crois plus. Les hommes politiques parlent en nos intérêts, disent ce qu'on a envie d'entendre, mais ils ne font rien de ce qu'ils disent. Je ne suis ni de gauche, ni UMP. C'est fini, je ne voterai plus pour cette mafia organisée. Bayrou ? José Bové. Non. Et en fait, ça n'a rien à voir avec un politique. C'est pas un politique, le gars. Ah, okay. Enfin, moi, je savais pas qu'il faisait de la politique. Attends. Il a fait apparemment un peu de politique à ce moment-là. David Douillet. Non, pas David Douillet. C'est quelqu'un étonnant, en fait. On s'attend pas à ce qu'il ait fait de la politique. En fait. Le gynéco. Donne-nous peut-être son domaine de prédilection. Ouais. C'était la télé-réalité. What ? Christophe de Chavannes. Non. Castaldi. Non plus. Ah, ouais, c'est pas Stevie Boulet ? Non, non. Non, j'aurais dit oui. C'était Stevie Boulet. Arthur. Et là, c'est Stevie. Non. C'est pas Stevie. C'est toujours pas Stevie. Ah. Il a dit non, Arthur, c'est pas Arthur. Donc alors attendez, je vous lis l'explication en fait. En plein psychodrame après l'élection contestée pour la présidence de l'UMP, donc ce gars annonce qu'il quitte l'UMP. Ce coup dur et l'absence totale de second degré de. Alors, je vous le dis, de l'autoproclamé. Beau gosse du net fait plier la toile en deux. C'était Michael Vendetta. Oui, c'était Michael Vendetta, ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Non, mais il était à l'UMP apparemment. Enfin, il se présentait à la présidence. Il avait fait un peu de politique, ouais. Mais quoi ? C'est étonnant. Il a flirté avec les milieux politiques. Et après, il a quitté Twitter juste après ça. Il doit bien se marier avec des proches. Voilà, depuis qu'il a quitté Twitter, on sait pas ce qu'il devient. Mais si, je l'ai vu au Carrefour l'autre jour. Il vendait des. Il était engagé. Il était animateur. C'est ça. On y va. Allez, dernier tweet. Chers amis, c'est avec joie que je m'unis avec vous par Twitter. Merci pour votre réponse généreuse. Je vous bénis je vous bénis tous de grand cœur. Qui a dit ça? Franchement, vu les paroles, j'aurais dit Sylvain Durif, le prêtre cosmique, le Christ cosmique. Ouais, non, mais ça c'est un petit côté religieux. Pas mal un côté religieux. Le pape Tinboot. Non. Le pape. Le pape Benoît XVI, ouais. Ah, quand putain, en fait, c'est le premier tweet du pape. C'est la première fois pape, qu'il. Non, putain, en fait, c'était 2019, à la création de Pontifex, enfin @Pontifex, donc qui était qui est le Twitter officiel du pape, qui est toujours le Twitter officiel. Et c'est le premier tweet qu'il a sorti, c'était ça. Chers amis, c'est avec joie que je m'unis avec vous par Twitter. Enfin bref, voilà. Ça veut dire quoi, Pontifex ? Pontifex, c'était. Il y a un nom de pseudo lambda. Quelqu'un là dans le chat, je sais plus ce que ça veut dire. C'est un religieux après Pontifex. Et je crois que ouais, c'est un. C'est pas un truc genre. Pontifex 3000. Ouais, c'est un truc un peu latin. D'accord. Vous avez trouvé un nom. Voilà. Pontifex, si vous voulez le suivre, il met des super blagues. Un rapport avec le pape. Ouais, bah, je me contente bien parce qu'il a spoilé Endgame. Hein, non, je le suivais pas. Voilà, on a fait le tour des tweets. Voilà, bon, je vais sortir une autre fois. Est-ce qu'on peut passer au thème ? Eh ben écoute, j'en ai bien l'impression. Je pense que c'est le moment de passer au thème, ouais. On va ouvrir exactement l'année 2012 avec les sorties ciné de cette année-là. Et on commence avec The Amazing Spider-Man. Est-ce que vous l'avez vu ? Le reboot avec Andrew Garfield, réalisé par Mark Webb. J'allais dire en 2011, bah non, en 2012. Mais c'était 2011. C'était en 2011, ouais. En 2011, complètement con. Vous l'aviez aimé, vous ? Enfin, que vous en avez pensé ? En fait, on s'arrête un peu sur les films à chaque fois, si vous voulez. Alors moi, au risque de me faire des ennemis, moi j'ai vraiment adoré ce Spider-Man. J'ai vraiment adoré ce reboot. J'étais vraiment attaché à l'ancienne saga, mais là vraiment pas mal de fraîcheur sur cette ce nouvel épisode. J'ai bien aimé le côté un peu plus extraverti du Spider-Man, un rigolard, peu ado, ouais. Un peu teenage, ouais, sur les bords, mais j'ai bien kiffé l'énergie. Donc bon film. Moi je t'avoue que j'ai préféré le 2 et c'est que récemment que je me suis remis à aimer le premier parce que je l'avais sûrement. Mais je suis d'accord pour le 2, il est mieux que le 1. Bah le 2 c'est où il y a. C'est n'importe quoi, mais c'est un Electro. Beau spectacle. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Qui était un bon méchant, moi je trouvais Electro, alors que dans le 1 c'était le lézard, non. C'est ça, c'est le lézard. C'est le lézard. Et que bon, le méchant de base en fait des premiers Spider-Man à chaque fois quoi. Mais bon, ouais. Ouais, c'était la vie vraiment de Clément, critique au cahier du cinéma. Écrite dans un magazine. Je sais pas quoi en penser de The Amazing Spider-Man. C'était pas ouf, mais pas mauvais non plus. Moi j'ai préféré où c'est allé vraiment dans le 2, où t'as un peu plus d'origin story et tout ça. Je suis bien d'accord. Le gros souci, c'est quand même que c'est sorti la même année que du coup le prochain film, on va vous dire, qui est Avengers, tu vois, qui est quand même qui s'est fait un peu qui a atomisé un peu The Amazing Spider-Man quand même. Oui, c'était pas très donc bon Avengers, on peut en parler. Avengers Endgame. Non, on va pas parler d'Endgame. Spoiler. Si, alors on va parler des spoilers, mais d'abord on parle d'Avengers d'abord. Ouais, on va faire ça structuré. Trop bien ce film. Avengers qui clôture la phase 1 réalisée par Joss Whedon sous l'égide de Kevin Feige, on va dire. Ouais. Kevin Feige, pardon. Première fois que je pense qu'un univers étendu, porte ses fruits et où vraiment on peut réunir plein de héros sur le même écran, et malgré 2-3 incohérences dans le MCU, notamment le changement de Hulk, etc. Franchement, c'était une belle réussite, hein, je pense qu'on peut le dire. Vous l'aviez vu au cinéma, vous? Oui. Ouais. Beau moment ou pas? Le mec. Bah franchement, ouais. On l'a peut-être vu ensemble, Mervan. Je pense qu'on a vu Avengers ensemble. On était tous en. Ouais, je pense. À même Camille. Avengers, que. J'ai revu des extraits il n'y a pas si longtemps et qui a vraiment vieilli. Ouais, c'est un peu vieilli, toi, je suis d'accord. De ouf. Ah ouais. Le costume de Captain America. Ouais. Ouais. Tous les effets spéciaux pendant la bataille de New York. Qui ah ouais sont, ouais. Ah, moi, c'était en termes de composition d'image, je trouvais ça vachement vide et tout. Je trouve qu'il y a une espèce de problème de lumière entre le CGI et le vrai décor, en fait. En fait, maintenant, je trouve que ce qui fait que les films sont vraiment super bien faits, c'est c'est cette lumière qui vraiment mixe. Un tout petit peu plus près de ton micro aussi. C'est cette lumière qui mixe vraiment le CGI, ouais, avec les prises de vue réelles. Qui fait beaucoup plus réaliste. Qui fait, coup, ouais, qui fait justement cool. Vrai. Et là, en fait, tu remarqueras, il y a tout qui est très clair. Tout, enfin, à New York, enfin tous les décors sont très fades un peu, et les Avengers sortent vraiment. Énormément du décor. Après, c'est peut-être peu un parti. Ouais, ouais. De jouer la grosse colorimétrie, de Captain America bleu. C'est ça, ouais, vert, vraiment Iron Man bleu. Rouge. Ouais, ouais. Les cheveux de Thor, quoi. Les cheveux de Thor, les cheveux de Black Widow. Crinière. Non, mais même la couleur. Même la couleur. Ils ressortent mal, en fait, avec le décor. Bah, il fait beaucoup plus costume que maintenant, en fait. Ouais. Il fait beaucoup plus costume. Oui, c'est clair, c'est clair. J'allais faire une blague d'ailleurs, mais c'est un spoiler d'Avengers Endgame. Ouais, non, vraiment pas de blague là-dessus. En parlant spoiler, du coup, Mervan avait un petit coup de gueule à passer sur les spoilers, parce qu'il s'est fait spoiler entièrement une game sur Reddit. Ouais, toujours en rap. Voilà. Ouais, voilà. Fais-nous un rap là-dessus. Fais-le normal. Je ne pourrais pas. Ouais, je me suis fait spoiler presque tout Endgame sur Reddit. Alors, ne pas aller sur des subreddits qui sont genre de cinéma, genre le subreddit movies, ou pas aller sur les subreddits de Marvel ou bien sur un subreddit de super-héros ou de comics ou quoi que ce soit. Ok, ouais, je suis pas con. Mais quand t'es par exemple sur un subreddit de Jojo Bizarre Adventure ou sur le subreddit de musique et que les mecs ils te spoilent, hein, c'est vraiment de la bastardise, quoi. Je me demande ce que font ces gens dans la vie. Pourquoi? Ça te fait juste rire parce qu'ils peuvent. En plus, ils vont même pas voir les gens rager. Même pas. Il y a peut-être un mec qui va lui mettre un dislike, qui va se dire « Ah, yes, il a trop la mort, il m'a mis un dislike. » Mais okay. Est-ce que c'est vraiment du spoil ou c'est juste de la discussion? C'est du spoil pur et dur. Bon spoil. Hein. En fait, il y avait une liste avec tous les trucs qui se sont passés dans le game. Tous les trucs rien important. Du tout, hein, ouais, Jess l'a pas du tout vu. Je peux rien dire. On va pas spoiler du tout. Parce que je l'ai même pas vu non plus. Enfin, je l'ai vu dans ma tête. Ce qui sera peut-être mieux que le résultat final, je sais pas. Mais on ne le sait pas. C'était vraiment enfin genre un paragraphe comme ça avec des points, tu vois, à chaque fois il y a tout, enfin il y a l'air de tout avoir. Ouais, mais le mec il s'est vraiment fait chier, ça veut dire, à ouvrir sûrement un fichier de traitement de texte, tu vois, a structuré son machin. Au début, il a corrigé les fautes d'orthographe. Il a mis des trucs en gras. Il a pas mis des trucs en gras pour bien que ton œil soit apporté. Tu vois, genre à tel personnage mort et tel personnage. Que tu puisses pas te commencer à lire et te dire ah non, mais. Donc il y a des gens qui. T'es bien fait spoiler tous les petits trucs sympas. Et de ce que nous a dit, de ce que tu nous as dit, j'ai l'impression qu'il te reste encore 2-3 trucs à découvrir. Mais j'espère bien. Oui, tu peux mettre la pizza en route. Ce serait un plaisir. Moi, j'aurais adoré le voir au cinéma comme vous, mais j'étais allé le voir au ciné et vraiment la 3D m'a foutu la gerbe. Genre, c'était horrible et du coup, je suis sorti de la salle. Ah merde! Et voilà. Au moment où Hulk. Dans Avengers 1er, je parle, hein. Paquet de confusion. Où Hulk tombe de Lily Porter. Ouais. Je suis vraiment arrêté là. Après, quand ça tourne énormément. En fait, j'ai raté toute la partie. Je me suis pris toute la partie où ça démarre simplement et toute la partie après où c'est intéressant. Et... Ouais. Ça, je l'ai pas vu, je l'ai vu après. On nous demande dans le chat pourquoi tu as lu du coup Mervan les questions très pertinentes de chat, merci. En fait, lire sur un écran, ça a rien à voir avec lire sur un. Bah, en fait, c'est vrai que tes yeux se baladent très vite. Et quand vous avez par exemple vous êtes sur votre ordi, donc il a quand même un écran de taille conséquente. Et Reddit, moi je l'ai en mode noir parce que ça me nique les yeux, sinon c'est blanc. Donc tout est noir et le texte est blanc. Et le gars. Tes yeux, ils sont forcément bien attirés par les textes qui sont bien mis en page. Bah, c'est beaucoup plus clair. Ouais. Et le gars a fait gaffe à faire des paragraphes, en fait. Donc au début, il y avait les phrases, t'as les posts qui sont longs comme ça, tu les lis pas parce qu'au bout de la moitié de la ligne, t'en as marre. Et le mec, il a fait des trucs plus condensés, tu vois. C'est vicieux. Avec tel ou tel mot qui est. Pour moi, c'est un terroriste, hein, le gars. C'est... Ah, mais non, mais le djihad, c'est pareil pour moi. Il est fiché. Non, mais c'est obligé. Bon, on passe à la suite. Et d'ailleurs, en parlant terroriste. C'est une belle transition. Ah ouais. The Dark Knight Rises, qui est sorti en 2012 avec le terroriste. Bane, pardon. Tom Hardy. Joué par Tom Hardy. Moi j'ai bien aimé. En fait, j'allais dire très bon film, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le Bane et qui n'ont même pas aimé le film. En fait. Moi, c'est la fin qui m'a un peu. J'ai fait ouais. Il y a eu un coup de tonnerre. Hein. Faites attention à vous. Ne sortez couvert. Vraiment de l'orage, ça ouais. Putain. Coup de tonnerre, ouais. Le bien meilleur. Folie. Bah écoutez, si le podcast coupe, vous saurez pourquoi. Ouais, toujours de courant. The Dark Knight Rises, qui est le premier film Batman avec genre Marion Cotillard dedans, qui est quand même fou, tu sais, la meuf, elle passe, tu peux relier, enfin, elle a fait Samina Seri, elle a fait Fred Diefenthal. Marion Cotillard, elle fait Inception, oui. Bah, elle joue la fille de Ra's al Ghul. Oui. Ouais, c'est celui-là. Et elle est que dans celui-là. Oui. Elle est apparente que dans celui-là, oui. D'accord. Elle est peut-être mentionnée vite fait, mais. Parce que j'avais quand même l'impression qu'elle était dans celui de. Ah, mais non. Non. Il n'y a pas de fight de Ra's al Ghul dans The Dark Knight, c'était dans Batman Begins. Non, mais ouais. Non, mais moi j'ai trouvé très bon film. Enfin. Et surtout réussir après le Dark Knight à faire un film qui se tient. Qui est quand même. Sans avoir le Joker finalement. C'était quand même une bonne. Comment dire. Ça a eu du succès et fallait le faire. Fallait quand même être à la hauteur des espérances même après The Dark Knight. Surtout après la mort, comme tu disais, de Heath Ledger. Et sachant que le film déjà devait s'ouvrir sur ça et sur un procès du Joker, ça aurait été super intéressant, j'aurais adoré. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, peut-être Dark Knight Rises. Je mange ma pizza, j'en profite. Que dire Moi, j'ai trouvé ça. Non, franchement, sur le coup, quand je suis allé le voir, je pense que j'ai dû adorer. Maintenant, ouais. Là, j'ai pas énormément de choses qui me. Je trouvais que Bane, c'était quand même un bon méchant. Tom Hardy est très bon. Avec 7 ans de recul, maintenant. Après, dans tous les Batman, je trouve que tous les méchants font vraiment un peu terroristes, en fait. Enfin, vous savez, dans le MCU, des fois, les méchants, ils ont un peu différents backgrounds. Il y en a c'est des empereurs, par exemple, ou bien d'autres dieux, tout ça. Et dans cette trilogie, c'est vraiment. Tous des terroristes, parce qu'au début il y a l'épouvantail avec son gaz machin. Bah, Ra's al Ghul aussi, c'est un terroriste. Ra's al Ghul, c'est un terroriste. Ouais. Le Joker, c'est un terroriste. Oui. Et Bane, plus des criminels, je pense, que des terroristes. Ouais. Bah, après, tu vois, Ra's al Ghul est vraiment terroriste pour moi. Ra's al Ghul et Bane, c'est clairement des terroristes. Après. Pour moi, le Joker, c'est plutôt un criminel. Double face, c'est pas vraiment un terroriste. Non, c'est un criminel aussi. Il règle un peu ses comptes de son côté, double face, j'ai l'impression. C'est vrai. Film suivant, un autre film de super-héros parce qu'on avait pas mal en fait cette année-là. Il y avait Chronicle, vachement différent des autres, plus indé finalement. Est-ce que vous l'avez vu? Vous vous souvenez pas de Chronicle? Ah ouais, je me vois. Mais attends, c'est clair. Attends, c'est avec le mec qui joue dans Valérian, je peux te dire. Ouais, le Dan de Anne. Mais je sais pas, par contre, tu... Chronicle. Pitch-le, peut-être que ça va me revenir. Ok, fait, sur ça... un rap. Ouais, alors, c'est par le gars qui a fait. Plus tard les 4 fantastiques, enfin le remake des 4 fantastiques. Ah bah oui, voilà, c'est pour ça qu'on s'attendait à des. Et là, il faut un pitch parce que si tu me dis des noms, ouais, comme Josh, ça, moi ça me vient pas. Après avoir été en contact avec une mystérieuse substance, 3 lycéens se découvrent des super-pouvoirs. La chronique de leur vie qu'ils tenaient sur les réseaux sociaux n'a désormais plus rien d'ordinaire. En fait, le film est filmé en found footage. Oui, c'est ça, voilà, je l'ai vu. C'est un peu original, c'est bien celui qui a fait les 4 Josh Trank, voilà. Josh Trank, ouais, le pauvre qui a eu la lourde tâche de faire les 4 fantastiques après. Qui s'est raté complètement. Complètement raté. Ouais. Non, mais Chronicle était pas mal du tout parce que premier film de super-héros en found footage déjà. Il me semble, il n'y en avait pas. Et, et vraiment film indé. Et c'est, moi, pour moi, j'ai le souvenir que c'était super bien fait parce qu'il peut voler les gars, mais tu vois, c'est réaliste de ouf. Parce que comme c'est du found footage, t'as l'impression d'y être. Et ouais, non, et puis Dan DeHaan joue super bien. Enfin, pardon, Valérian. Bon. Il s'appelle comment tu dis ? Dan. Dan DeHaan. Regarde. DeHaan ou DeHaan, je sais pas comment je pense. Mais... J'ai peu de souvenirs du scénario, je t'avoue. Mais je me souviens après. Que, oui, visuellement, le côté fan footage, il y avait vraiment. C'était vraiment un ajout, notamment dans un passage dans une tornade, il me semble. Ouais. Je sais pas si tu vois duquel je parle. Oui, je vois. Où tu te dis, bah, c'est la merde, écoute. Ah bah, non, mais c'était bien fait, hein, vraiment. Non, très très cool. Non, mais du coup, on va passer très vite. Vous l'avez pas vu, du coup. Enfin, non, si moi je l'ai vu. Te dire, ouais. Ah, du coup, tu l'as vu, ouais. Moi j'ai vu, j'avais bien aimé. Mais t'en as pas gardé un souvenir impérissable un peu comme. Après, ça a pas marqué. Ben, le côté fan footage c'était cool. Je pense que le dernier film que j'avais vu, ça devait être Cloverfield en fan footage. C'est ouais, c'est ça. Ouais, dans le genre, ouais. Ouais, je pense, je sais pas si c'était. Pareil. Quelle année Cloverfield, c'est le plus vieux. Hein, le premier, le tout premier. Hein. Mais t'es complètement malade. Non, Blair Witch en fait. Cloverfield, moi je dirais que le premier il a dû sortir en 2008. Ouais, Cloverfield, plus vers 2008. C'est les extraterrestres. 2008, excusez-moi. Je fais très mal. Et du coup, ouais, sympa, bon petit film. Le côté pouvoir, je sais plus exactement quel pouvoir ils avaient, mais c'était un peu badass, j'ai l'impression, de mémoire. Non, j'ai trouvé ça frais, c'est cool. Bon, voilà, plutôt frais. Plutôt frais, rafraîchissant. Plutôt frais, voilà, c'était rafraîchissant. Okay. Frais en bouche, et puis ouais. On va enchaîner un peu vite les autres, parce qu'on a vraiment une grosse liste. Bon, Les Enfants Loups, Ame et Yuki, c'était pour mettre un peu c'est de un film animé, j'ai oublié le nom du réalisateur. Mais ouais, je n'ai pas vu. Acclamé par pas mal de mes potes. acclamé par tous les fans d'animation, en fait, j'ai l'impression. L'animation japonaise. Hein, tiens. C'est une histoire d'une mère humaine qui va donner naissance plutôt à deux enfants loups qui vont devoir vivre un peu en marge de la société, si je me rappelle bien. Et c'est alors c'est pas tellement sur le fait sur le délire loup-garou, c'est plus sur leur sur comment grandir et vivre dans cette société, si je ne me trompe pas. Qui n'accepte pas les loups-garous. Oui. Toujours pas. Pas vu. Et c'est par les studios Shizu. Et le réalisateur, dans le chat, si c'est Mamoru Osada. Osoda. Voilà. Voilà. Qui a fait ensuite Le Garçon et la Bête, je crois. Ouais, j'en ai plus entendu parler déjà. C'est bien possible. Et dernièrement, Mirai, ma petite... Ah, Summer Wars aussi. Bon, voilà. Sinon, il y a eu Le Hobbit, un voyage inattendu, donc retour de la saga Seigneur des Anneaux. C'était 2012. Ah, on a une belle bouse. Alors, parle un peu plus près du micro parce qu'on a peut-être pas entendu. Merlin a trouvé que c'était une bouse. Moi, je me souviens que j'étais super hype quand j'ai vu que Peter Jackson il allait revenir pour une deuxième trilogie, tout ça, dans l'univers de Tolkien. J'étais vraiment méga hype. Et puis ensuite, au début, ils ont pas dit que c'était Le Hobbit. Hein. Ils ont juste dit que Peter Jackson allait revenir pour adapter un truc. Dans l'univers de Tolkien. Donc je me disais, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs intéressants. Quoi. Est-ce que tu peux me faire 5 secondes de Hobbit ? Franchement, non. Ouais, bon, non, mais en fait, les Hobbits, ils parlent comme ils nous. À part 5 secondes de pieds poilus et tout. Voilà, et ou alors, je vais prendre un deuxième petit déjeuner. Je ne peux pas porter l'anneau. Mais je peux vous porter, vous. Et à part ça... Ah, les Hobbits, hein. Voilà. Et j'étais super déçu en fait qu'il adapte cette histoire en fait. Et franchement, c'est vraiment un film qui... Enfin, toute la trilogie m'énerve. Ah ouais. En fait, déjà, bon, le mec, ils sont là au début, on sait pas que c'est le Hobbit. Peter Jackson revient, il réadapte Tolkien. Je me suis dit, bah allez, le mec, il peut faire le Silmarillion. Ah bah oui. Le mec, il peut faire le Silmarillion. Le Silmarillion c'est comme la Bible du Seigneur des Anneaux, c'est comme l'Ancien Testament du Seigneur des Anneaux. D'accord. Tout ce qui se passe avant. D'accord. Tout ce qui se passe avant, c'est vraiment ultra épique. Genre, je m'y connais très peu en Tolkien d'ailleurs. Ce qui se passe dans Le Seigneur des Anneaux, c'est genre une fraction. Ça se passe sur pas un grand nombre d'années. Le Silmarillion, c'est sur genre 50 000 ans quoi. Voilà, totalité, je me suis dit, voilà, il fait une trilogie, porte ses couilles, il fait un truc. Ou bien je me suis dit, bon, allez, il fait pas ça, il peut faire Les Enfants de Urin, c'est un bouquin, il est court, il est comme le Hobbit, c'est une espèce de tragédie grecque. Avec Urin, c'est le roi des hommes, et puis il a deux enfants qui sont maudits, et lui il est enchaîné sur un trône, et il est obligé de les voir essayer de vivre leur vie. Même en trilogie, voilà. Ça aurait été peut-être. Ça aurait pu être vachement bien. Ouais, et ça là je vois dur, que le mec. Non, parce que en vrai, le bouquin est quand même comme ça, il y a plus moyen que le Hobbit. Okay. Et le Hobbit en version longue, il doit faire 170 pages. Il doit faire 170 pages, c'est un conte pour enfants, quoi, vraiment. C'est comme les mecs, et demain ils vous disent nouvelle adaptation du Petit Chaperon Rouge en trois films. En trois films faits par Peter Jackson. Avec 250 millions de budget dans chaque film. Vous ne serez pas trop deck, vous dites pas, ils auraient pu faire autre chose. Oui, bon, il y aurait mieux. Et oui. En fait, c'est surtout ça. Après, j'ai vu le premier, j'ai vu le deuxième. Je crois que j'ai vu le troisième aussi. Et en fait, ça digresse beaucoup. Il a beaucoup digressé du livre. Je pense qu'il a été obligé, parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose dans le bouquin. Bah, il a dû rajouter des trucs. Ah oui, il a rajouté 10 000 trucs. Mais comparé au Seigneur des Anneaux, ça m'a pas fait voyager du tout. D'accord. Ah, moi j'étais quand même bien pris dedans. Alors moi je l'ai vu très tard, le Hobbit, je l'ai vu en 2018, donc l'année dernière. Oui. Je m'étais d'abord fait le Seigneur des Anneaux avec mes yeux d'adulte en fait. Et du coup après j'ai voulu me faire le Hobbit et j'ai quand même été beaucoup plus porté par le Seigneur des Anneaux, c'est vrai. Et j'ai l'impression que le Hobbit, par sa colorimétrie aussi et tout ça, c'est plus, on va dire, porté pour les enfants parce que... Ça te raconte plus un conte qu'une aventure épique avec 36 000 armées, le Gondor, le Rohan et machin. Et non, moi écoute, j'ai plutôt aimé le 1 et le 2, et le 3, je me suis fait chier comme un rat mort par contre. Mais sinon, j'aimais beaucoup le côté conte, les petites aventures qui leur arrivent avec les trolls là, qui deviennent de la pierre, etc. Il y avait la course de... Ils sont pas un moment avec l'autre là, le... Course de tonneau. Ouais, enfin, la course de tonneau. Mais tu vois, moi j'aimais bien toutes ces petites péripéties. Voilà. J'aime bien qu'il leur arrive des aventures. On dirait un peu un épisode de Dora l'exploratrice, mais... Ouais, il y a pas que du mauvais, mais c'est vraiment... Moi je trouve que c'est un projet qui aurait pas dû... Enfin, je trouve ça tellement dommage qu'ils soient partis sur cet axe-là. Ouais. D'accord. Vraiment. Surtout faire une trilogie, en fait. Surtout. Peut-être un film. Là, du coup, je suis vachement hype pour la nouvelle série, par contre, Le Seigneur des Anneaux, qui va... Je me demande absolument comment tu vas faire une série avec ce qu'on a eu déjà. Enfin, alors... Je connais pas du tout les livres. Voilà. Ça, je sais pas rien. Où est-ce qu'il se place, mais... en fait, Le Seigneur des Anneaux, c'est ce qu'il y a de plus grand. Mais il a écrit comme une espèce de bible de ce qui se passe avant. Genre, il y a peut-être... 10 000 ans d'histoire qu'il peut raconter. Il y a des trucs intéressants. En tout cas, il y a des trucs plus intéressants que le Hobbit, quoi, franchement. D'accord. Et Jess, fais-nous 5 secondes de smog, c'est demandé dans le chat, s'il te plaît. Crache du feu, s'il te plaît. Oh, avec une grosse voix. Ouais, t'es Benedict Cumberbatch, là, direct. Mais doublé en français, ouais, ça. Pas très bien doublé, lui. Ouais. Vraiment Benedict en français, quoi. Comme des œufs Benedict. ensuite, on a eu vite fait La Chasse avec Mads Mikkelsen. Très on bon le dit film. Pour les gens du public. On me l'a recommandé et sur-recommandé. Je l'ai bon toujours film. Pas vu parce que bon problème film. De. Bon, on va dire téléchargement. problème de sous-titres décalé. Voilà, c'est dit. Ah. Merde alors. Alors, parlez-nous-en. Ouais, qu'est-ce qui est après, bien on en parle rapidement, mais. Ouais, sans spoiler du coup, s'il moi vous plaît. J'ai pas vu encore. Déchirant. Je. Franchement. Ah ouais. Genre d'un triste. C'est très très bien joué. Après, comment ça se fait que vous êtes tombé sur ce film-là? Il y a plein d'autres films qui sont sortis. Mais... En fait, on a fait la liste des meilleurs films de 2012. Ah ouais, il était dans les meilleurs films de. Après, il est acclamé et tout. Il est uniquement, je crois. Et Mads Mikkelsen, c'est un acteur de quelle nationalité déjà? Danois. Il est entièrement en danois. Donc, enfin. Enfin, si vous le regardez en VO, bien sûr. Ouais, bah, évidemment. Mads Mikkelsen joue super bien. C'est un sujet sensible quand même parce que le pitch, vite fait, c'est quand même un. Il s'est accusé de pédophilie. Et je peux spoiler le début parce que dès le début on sait que c'est pas vrai. Dès le début on sait que ce n'est pas vrai. Et c'est tout un truc sur le regard des autres et c'est vraiment, vraiment, ouais. Surtout la fin. Bah dis pas. Surtout mais la ouais. fin. Mais c'est ça fout le seum. Ouais, okay. C'est terrible. Ok. Super, ce qui a se passé. Les 5 légendes qui sont sorties en 2012, un film d'animation de DreamWorks. Ouais, si je me c'est trompe DreamWorks, pas. Ouais. Je l'ai vu l'autre jour dans le train. Moi, j'étais super agréablement surpris. Il a vieilli, franchement, il a vieilli notamment sur certains modèles de personnages. Les 5 légendes, en fait, c'est l'histoire du Père Noël, de la Fée des Dents, donc la petite souris pour nous en Europe, du Lapin de Pâques, du Marchand de Sable et de Jack Frost. C'est un peu les Avengers des contes pour enfants. En fait. C'est un peu ça, ouais, des contes qu'on nous raconte quand on est petit. Et surtout le héros principal, du coup, Jack Frost, qui en fait n'existe pas chez nous, j'ai l'impression. Jack Frost, c'est un espèce d'esprit de la neige. Et ce qu'il va faire dans le film, c'est inciter les enfants à faire de la luge et à se balancer des boules de neige. Tu vois, c'est un peu l'esprit de l'hiver. Pas de Noël, mais de l'hiver, ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, dans l'histoire, le croque-mitaine, parce qu'il y a encore une légende, le croque-mitaine en a marre que les enfants ne croient plus en lui. Et en fait, ça efface un petit peu son existence de par le fait que les enfants ne croient plus à lui. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est contaminer les rêves du marchand de sable pour les faire se transformer en cauchemar et pour que les gens oublient tous leurs rêves, le marchand de sable, pour que Pâques soit saboté et qu'il ne croit plus en lapin de Pâques, etc. Et fait son Thanos, quoi, c'est bon. C'est ça, ouais. Non, c'est pas vrai. Et voilà, s'en suivra toute une aventure formidable et surtout le film est super drôle. Voilà, moi je le recommande hautement. On nous dit Jack essaye de se faire connaître des enfants aussi. Exactement, Jack, il a un peu le même dilemme que le croque-mitaine et pourtant lui va en faire quelque chose de bien, ouais, exactement. On va enchaîner vite parce qu'on n'est même pas à la moitié de la liste des films. Il y en a pas mal. Il y avait un film français Japlou, moi je trouvais ça drôle parce que c'est avec Guillaume Canet, qui fait du cheval. Je l'ai pas vu non plus. Ah d'accord, c'est ce film où est-ce qu'il fait dit de l'équitation. C'est où fait de l'équitation. Je vois la fiche. Ouais, c'est ça, voilà, moi c'est pareil. C'est visuel, mais. Bon, absolument vraiment pas. Guillaume Canet qui fait du. Du cheval. Fait de l'équitation. Ouais. Déjà Guillaume Canet. Ah, pourquoi pas. Quoi. Il fait aussi de l'équitation dans la vraie vie, on nous dit dans le public, merci. Ensuite, Argo avec Ben Affleck. Ouais, ouais. Alors moi. Que j'ai pas vu. Je vous avoue, moi, je l'ai regardé, on m'en a dit que du bien, mais je me suis endormi devant de fatigue et j'ai jamais continué à le regarder. C'est quelque chose que je fais souvent, malheureusement. Vous l'aviez du vu coup, plutôt pas de culture. Non, j'ai vite pas, fait, sûr, pas sûr. Le pitch-le, vite fait. Ouh là là, c'est des histoires de comment dire, de géopolitique un petit peu, et je crois que et de comment dire, de pays en guerre et de gens qui doivent ça me dit rien du tout, c'est sûr que je l'ai mais pas ça se passe pas genre dans la neige ou un truc comme ça non, ça se passe avec Fargo. Je confonds avec Fargo, merde, bah, ça me dit donc rien du tout. Ne pas confondre avec Cargo qui est avec la chanson. Non mais moi la Cargo de nuit de et Fargo aussi la série. Ensuite il y a Isabelle Mergo, pardon, je me permets. Il y avait Skyfall qui est sorti aussi en 2012. Oui. Je sais plus combien de. Alors attends, parce que là il y a le 25 qui a été annoncé. Non, donc le alors, de 26, non, je sais plus. Donc c'était le 24, je crois. 24e James Bond, 23e, je sais plus. Bref, mais ouais. Un des meilleurs, moi je trouve. Ultra dark quand même, où on apprend les origines de James Bond. Ce qui avait jamais été fait dans tous les James Bond avant. Donc ça va vraiment en profondeur dans la psychologie de Bond. Et un méchant un peu badant aussi, Javier Bardem. C'était Javier Bardem, ouais, putain, ouais. C'est très très, très bon méchant. Puis il a une gueule de méchant, ce gars de base. Tu veux pas rigoler avec lui. Voilà, après, bon. J'ai pas mal aimé, et pourtant, faut arriver à me faire aimer un James Bond avec Daniel Craig. J'aime pas Daniel Craig en James Bond. Ah oui, la BO de Adèle, d'ailleurs. Et ouais, bah ouais, c'est clair. On se demande ce que c'est. C'est la plus ça que j'ai reconnu, limite. C'est cuit encore les pizzas. Bon, bah voilà, on va passer vite. Hein, mais... Les mondes de Ralph, ensuite. Petite déception pour moi. Film d'animation de. J'allais dire Pixar, non, Disney, hein, juste Disney, il me semble. Ouais. Dans le public. Je crois que c'est Disney. Monde de Ralph, c'est Disney. C'est Disney, je crois. Voilà, Disney et pas Pixar, merci. Voilà. Énorme coup de cœur de mon côté. Hein. Très cool hein, ouais. Dans les jeux vidéo et tout. Un peu Ralph, rétro, en plus. Ça fait longtemps que j'avais pas autant aimé un Disney. Autant les Disney sont cool, autant là pour le coup les mondes de Ralph c'était hyper rafraîchissant. On s'en parlait du fait que ça fait appel à plein de petits clins d'œil sur le monde du jeu vidéo. Beaucoup d'easter eggs. Hein, voilà, exactement, beaucoup de références. Je me demande où ils ont les thunes de mettre genre. Je crois qu'il y a Sonic à un moment. Il y a les personnages de Street Fighter. Ouais, moi aussi. Non, mais c'est très très cool. Ouais. Je sais pas s'ils ont pas trouvé une combine en les faisant en film d'animation. Non, après c'est Disney, c'est ça. C'était Disney, ouais. Bon. Après là ils ont fait Ralph 2, voilà, je sais pas si vous avez vu Ralph 2. Pas encore, il est sorti. Moi perso il me donne envie. Hein. Et je l'ai vu, il est très très bien et donc ça parle d'internet et là pareil il y a des références à internet par milliers. Ouais. Et du coup ce qui est bien c'est que ces références à internet elles doivent être libres de droit du coup. Ouais, je sûrement, mais en tout cas elles sont très bien faites et c'est pas genre juste des vieux qui parlent d'internet. Là c'est, ils ont, enfin tu vois, ça se fout pas de la gueule d'internet. Mais genre quoi, il y a des mèmes dedans ou... Par exemple, voulez-vous agrandir la taille de votre... Ouais, il y a tout plein de trucs. Donc, ouais, enfin ouais, c'est un film pour enfants, donc tu peux pas mettre des trucs de ouf, mais non, c'est très intelligent et ça marche. Enfin, c'est bien de cette époque là, tu vois, c'est ça marche super bien. Ensuite il y a eu l'Odyssée de Pi qui est sorti. Est-ce que vous l'aviez vu ? Film qu'on m'a mille fois conseillé aussi, c'est le truc avec un tigre sur un bateau. Un film magnifique. Ouais, pas vu. Anglais, c'est ça. Et il y avait en plus Gérard Depardieu dedans. Sérieux ? Ouais, ouais. Et non, et l'Odyssée de Pi. GG ? C'est pas anglais. C'est pas vrai. C'est peut-être d'anglais, je sais plus, je vais vérifier. On me l'a conseillé mille fois, mais je magnifique l'ai vraiment pas film, vu. Magnifique film en fait, contre, parce que les images magnifiques. Hein, CGI de. Ouais, c'est anglais, oui. D'accord. Ouais, c'est anglais. voilà, après, ouais, le tigre dans le bateau, si vous vous souvenez. Ouais, ouais. Qui est entièrement numérisé en fait, le tigre, et c'était une prouesse technique. Voilà. Okay. Et magnifique film. Le plus beau, on conseille. Plus beau que le tigre de Titans. Oh, bah oui, oui, bah oui, c'est sûr. Bien plus beau. J'ai pas compris l'histoire de Pi. Le film de l'Odyssée de Pi, non, je me souviens plus non plus vraiment. Tigre bateau. Ouais, c'est parce qu'il y a une histoire où il fuit son pays, je crois, et il tombe en bateau avec ce tigre-là qui était dans un cirque. Et le truc à ne jamais faire dans la vraie vie. Film, hein. Tout le film n'est pas que le tigre dans le bateau. Ah, okay. Il y a d'autres trucs. Ouais. Après, c'est un voyage que j'ai un vu, peu moi. Spirituel aussi, tu vois. D'accord. Et il y a des visions. Enfin bref, c'est un magnifique film. Ça ensuite, il y a eu Clo-Clo. Fallait le sortir. Et ben Clo-Clo, je l'ai vu avec Jérémy Régnier et pas Jérémy Renner. Ok. Et Benoît Magimel aussi, si je dis pas de bêtises. Alison Wheeler, le temps d'un caméo. Ah oui, pareil, ouais. Très étonnant. Déjà à l'époque. Ouais. Ouais. Son premier, je pense. Ouais. Un film sur Claude François, évidemment. Moi, je l'ai pas vu. Hein, mais Moi, je l'ai vu. C'est très bizarrement. Alors, j'ai pas détesté parce que j'aime. En fait, j'aime tous les biopics. J'en ai jamais trouvé un vraiment chiant. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la mise en scène est très bizarre, c'est super théâtral. Et je sais pas, alors du coup, si c'est la direction d'acteurs ou les acteurs en eux-mêmes, mais ça fait très. Il y a beaucoup de scènes émouvantes où Claude François parle à une vision de son père et c'est très bizarre. Et c'est genre, mais tu m'as laissé, machin, tu vois. Enfin, c'est... je fais waouh, ok. T'es très loin de ça s'en va et ça revient. Bien sûr qu'il veut une pizza. Non mais arrête de cacher les coulisses là. Bien sûr qu'il veut une pizza. On mange une magnifique pizza aux légumes. Bon, bah, allez. C'est la quatrième. Moi j'en aurais deux. Allez. Au revoir. Je vois le nom Moonrise Kingdom. Est-ce que vous connaissez ? C'est de Wes Anderson. J'aime vu littéralement un seul film de Wes Anderson et c'est Grand Budapest Hotel, je crois. Et moi, si je me trompe pas, hein, Moonrise Kingdom, ils sont c'est lui, mais moi je l'ai pas vu. Alors, on va juste ressortir la fiche. De ce film. Ouais, Moonrise Kingdom, donc de Wes Anderson avec Bill Murray, Edward Norton évidemment. Voilà, film sur un camp de vacances, un peu, je crois, il me semble, un camp scout ou un truc comme ça. Si je me trompe pas. Oui, c'est un camp de scout. Voilà, bon, bah, film de Wes Anderson, si vous l'aviez vu, vous l'avez pas vu. Personne ici. Non. Bon, bah, voilà. J'ai confondu avec. C'est quoi le film où il cherche. Où t'as Bill Murray qui cherche un requin là ? Où il est en mode Captain Cousteau là ? Je l'ai pas vu ? Ah oui, c'est le truc sous. Non mais c'est sous l'océan, là, c'est un truc de Wes Anderson aussi. Ouais, ouais. Mais c'est pas Life Aquatic, le truc qui est sorti il y a ça, pas longtemps c'est du la tout. La vie aquatique, ouais, je crois. Ouais, mais c'est récent en plus. Ouais, mais je crois que c'est l'année dernière. Je suis complètement là. Non, 2004, la vie aquatique. Quoi ? Ah oui, mais... parce que récemment il y a eu l'île aux chiens, mais je me disais. Attendez, l'île. Parle dans ton micro. C'est 2004. 2004, ouais. D'accord, ok, très bien. T'es complètement à la ramasse. Là, franchement, ouais. T'es comme moi. Ah, est-ce que on nous demande, je reviens sur Clo-Clo, est-ce qu'il est pire ou mieux que Podium ? Parce qu'on en avait parlé d'ailleurs, Podium. Sans l'avoir vu. Il est mieux. Il y a quand même Poulvard. Podium, même Poulvard. Et Jean-Paul Rouve. Et c'est. Ouais. Trop marrant, Podium. J'adorais. Ensuite, on a eu Cloud Atlas qui est sorti des sœurs Wachowski. Ouais, à l'époque, c'était frères et sœurs Wachowski, il semble. Bonne transition. Voilà. Que dire voilà, sinon, c'est dur à. Il est très long. Il est très long, il est très beau et. Et grosse performance d'acteur de la part de tout le monde, je trouve. Ouais, qui vachement mieux que Jupiter Ascending. Je n'ai pas vu Jupiter Ascending. J'ai pas vu Jupiter Ascending du tout. Mais... C'est de la merde. Pas terrible. Bah, Channing Tatum joue un homme loup. Ah bah tiens, les enfants loups. J'appelle loup. Voilà. Voilà. Non mais ouais, Cloud Atlas, oui, forcément il est bien, il a déjà été acclamé et tout. L'histoire est très dure à décrire parce que c'est, ça se passe sur plusieurs, plusieurs périodes, ouais, ça se mélange. C'est plusieurs décors, plusieurs chaque époques. Acteur fait plusieurs personnages à chaque époque, enfin bref, c'est un peu... C'est le premier film qui m'a fait dire que Hugh Grant était quand même un bon acteur. Je trouvais qu'il a délivré une performance un peu supérieure à ce que je voyais dans, dans ses petites comédies habituelles. Aussi, quoi. Tom Hanks aussi. Frankenweenie ensuite, film de Tim Burton, qui était en fait son, un remake d'un court métrage qu'il avait fait en 84, je crois, on avait regardé, et qu'il a refait avec du budget et en long métrage du coup. Moi je l'ai pas vu Frankenweenie, mais on m'a dit que du bien aussi. Donc de ce que c'est, c'est du noir et blanc, c'est du, des cicatrices, c'est du gore, c'est de dans la nuit. Stop motion en plus, il me semble. Hein, voilà, c'était l'époque stop motion de Tim Burton. Bon, bah voilà, après, si on aime Tim Burton, voilà. Encore un Tim Burton, quoi. Ensuite, encore un Guillaume Canet de Rouille. Pardon, je crie dans mon micro. Non, je crois que c'est pas Guillaume Canet de Rouille et d'Os. C'est Marin Cotillard, par contre, qui était déjà dans Rises. C'est de Jacques Audiard. Oui, merci. Vous l'avez vu? Non. Ouais. On m'a recommandé mille fois, Personne n'a... Non, mais en fait, aucune culture. Si des trucs à dire, mais sinon, si vous avez des anecdotes. Ça m'a pas dessus. Marqué. Ça m'a pas marqué. Voilà, bon, bah on passe. Ça va, je peux continuer? Oui, oui, non, je vais juste ajouter que dans ce film, il y a un personnage qui s'appelle Stéphanie qui est dresseuse d'orques au Marineland d'Antibes. Ouais, c'est, voilà. Déjà, c'est ça, ouais, qui devient handicapé. Donc si on devait pitcher le film, on dirait pas ça, je pense. L'âge de glace 4, la dérive des continents, qui est sorti en 2012, moi je trouve ça ouf, c'est déjà il y a 7 ans. 7 ans et je l'ai toujours pas vu. Mais je trouve ça très... Exactement, c'est, ouais, c'est pareil. Si grave, je me suis arrêté à celui avec les dinosaures. C'est trop récent pour l'âge de glace en fait. 7 ans, ça me paraît vraiment hier. Enfin, ouais, c'est ouf, hein. Ça fait déjà 7 ans qu'il est sorti. Et pas ouf, pas le meilleur de l'âge de glace forcément. Voilà. Mais c'est le combien tième? C'est le 3. C'est le 4 celui-là. Ah, mais il y a eu. Et là, il y a un 5ème qui est sorti il y a pas si longtemps. Ah bon? Il y a 5ème? Il y a eu le 5ème avec dans l'espace, ouais. Quoi enfin, ouais. Ça a aucun sens. Qu'est-ce que tu fous dans l'espace à l'âge préhistorique? Ça se passe où la dérive des continents? Ah, d'accord, c'est que ça. Bah, justement. Voilà, et les continents dérivent. Partout. Dans des continents qui ont dérivé, incroyable. Ah, il y en a eu un autre en 2016, j'avais pas vu. Ensuite, on a eu Hunger Games. Ah, yes. Premier Hunger Games. C'est, en fait, c'est fou parce que la même année que la GS4, il y a eu Hunger Games. Hunger Games, on s'en est payé plein après. C'est la seule franchise qui a réussi de bouquins pour jeunes adultes qui a réussi à marcher après Harry Potter en fait. Twilight aussi. Ouais, mais on en reviendra. Mais c'était plus ou moins en même temps Twilight parce que Twilight, les derniers sont sortis, je crois. On en revient après, on va en parler. Ça commence en 2000. La série de bouquins, je dirais Twilight. Ouais. Donc ouais, bah, c'est un truc adapté d'une série de bouquins pour. Pour Pisseuse. Oh, mec, Shade of Grey aussi bien marché. Mais c'était pas après. Ah si, c'était. Non, je déconne, Tim Jacob. Ouais, ça y est, Hunger Games. Moi, je trouvais le premier pas mal du tout. Ouais, franchement. Ouais, après, je m'en souviens pas, tout simplement. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est le premier, m'a carrément marqué. Après, j'ai un petit peu oublié ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Alors, Tim Edward ou Tim Jacob autour de la table? Ah, de Twilight là. Oui, on change complètement de sujet là. On en revient après à Twilight. Jacob, clairement, lui, au moins, il se lave. Alors que. Avec sa propre langue. On va en sauter quelques-uns. On va passer à... Énumère-les juste. Okay. Bah, il y a eu Rebelle. Rebelle. T'allais sauter Rebelle. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Titre. Waouh. Le gros blanc. Merci. J'ai le temps de comprendre, simplement. Non, très bon Pixar, Rebelle. Voilà. Princesse Disney. Oui, si. Oui, bah du coup qui est apparemment dans Ralph 2, voilà, c'est ça. Ouais, bon, voilà. Bon, bref. Non, très bon film, mais voilà. C'est bon, pas si vite parce qu'on sait que c'est un très bon film. Zero Dark Thirty de. Je sais plus qui c'est. Je sais même pas ce que c'est, mec. On a tellement bossé. Mais notre... ouais, on a bien bossé notre année. Zero Dark Thirty. Ouais. C'est pas ce film. C'est-à-dire Zero Noir 30. Ouais, en américain. C'est pas ce truc sur le 11 septembre ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça, après les attentats du 11 septembre 2001. Et c'est un film de Catherine Bigelow, je sais pas. Oui, Catherine Bigelow qui a réalisé, je crois. Attendez. Je vais vérifier en même temps. Elle a réalisé Des Mineurs et Détroit. Ouais, voilà, c'était ça. Détroit récemment, Détroit, ouais. Ouais, Détroit. Et Point Break aussi. Point Break, voilà, c'était ça plutôt, c'était Point Break. Je me suis dit, ma mémoire m'a fait. Avec Chris Pratt, Zero Dark Thirty et Jason Clarke. Et non pas Point Break. Jessica Chastain. Gangster Squad, Gangnam Style, Gangster Squad. Ensuite, Voilà. Non, avec, non, bah, avec Josh Brolin hein, d'ailleurs, qui se passe dans les années 50, je crois. Il y a pas Sean Penn dedans, je confonds. Il y a peut-être Sean Penn. Mec, si on me fait vérifier tous les films un par un, ça. Écoute, bah ouais, voilà, je fais des recherches. On avait dit qu'on aurait dû bosser. Bosser son truc. Ah si, Sean Penn et Ryan Gosling voilà. aussi. Ouais. Et bah, je me ensuite, Looper avec Bruce Willis et. Jacob, non c'est Ah putain, un truc en J. Le mec de Dark Knight Rises, oui. qui joue Robin en fait en gros. Levitt. Ouais. Joseph Gordon-Levitt. Voilà, merci. Oh, voilà. Très bon acteur, tellement Looper, bon. Mémorable acteur. Ouais, tu veux nous en parler, Jess? Ouais, moi j'ai adoré. Ça me rappelait un petit peu. C'est l'histoire du gars qui revient dans le temps. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Okay. On va confondre avec Jumper avec Hayden Christensen. Ouais, c'est marrant parce que du coup j'avais envie d'évoquer ce film, mais ça n'a rien à voir. Eh ben absiens-toi. En fait, on peut pas aimer du tout. Genre... Non, moi j'ai bien aimé les deux, mais du coup Looper, je trouve ça trop bien, le concept. Et qui a pas beaucoup marché Looper en fait, bizarrement. Un film pourtant avec Bruce Willis. Bah ouais, et en fait, ben ouais, il a pas eu un énorme succès et pas un énorme succès critique non plus, donc bon. Mm. Non mais le concept du mec qui se court après. Moi, j'avais trop aimé, ouais. Pareil, ouais. Qui doit assassiner son lui du passé, non? Attends, c'est un truc comme ça, là. C'est ça. Ouais, c'est un tueur à gages qui doit s'assassiner jeune, en fait. D'accord. Ah ouais. Faut que c'est un truc comme ça. Hein. C'est fou. Non, en fait, du coup, c'est le jeune. C'est le jeune. Alors, au début, c'est le jeune qui doit assassiner le vieux. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, après, le vieux essaie plutôt de fuir plutôt que. Parce que du coup, s'il se tue lui jeune, je pense que tu vois, les paradoxes temporels, il disparaît, tout ça. Madagascar 3, bon baiser d'Europe. Bon, on l'a mis entre parenthèses parce que. Super anecdotique. Bon, ouais, je me suis arrêté. Alors, Madagascar. J'ai une bonne anecdote avec Madagascar 3. Ah, parle un peu plus fort pour ton avis. Ah, oui, une anecdote avec Madagascar 3. C'est un film que j'ai dû voir au moins 30 fois. Quoi ? Ouais. Alors vous allez me demander comment et pourquoi. J'espère que du coup tu vas nous en parler des alors, pourquoi et comment. En fait, quand Madagascar 3 est sorti, moi j'étais animateur dans ce qu'ils appellent. Moi je faisais l'animation dans un hôtel en Turquie. Okay. Et donc là-bas on passe des dessins animés aux gosses pour les canaliser un peu, tu vois, pour qu'ils nous foutent la paix. Et Madagascar 3, c'était un des seuls DVD qu'on avait. Du métier, tu sais. Un des seuls DVD qu'on avait. Ah, et j'ai dû le regarder au moins deux fois par semaine pendant deux mois. En turc, du coup ? Non, il y avait beaucoup là-bas de hollandais, donc ça devait être en hollandais. Oh putain, génial. Donc Madagascar 3, deux fois par semaine en hollandais. En turc, hollandais. Ouais, en hollandais, terrible. Mais terrible. Du coup, je me souviens qu'il y avait. Est-ce que t'as compris le film au moins une fois ? Ouais, bah oui, grosso modo. Mais bon, enfin. Il y avait une espèce de dresseuse bizarre, rousse, avec des cheveux dégueulasses, un espèce de képi de nazi. Rebelle, la même année. C'est ça, c'est ça, mais mec, mais ouais. Et c'était pas mémorable, comme tous les Madagascar. Je suis d'accord. Non, bah, c'est non, pas le 1 était bien. À cause de I Like to Move It. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment j'ai un parfum. J'ai Madagascar pour Melman le roi, et King Julian. Le roi Julius, non, comment il s'appelait ? King Julian. King Julian, c'est ça. Bon, très bonne série sur Netflix. Jess qui a vu la version latine. Avec le roi Julius. Madagascarum. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est moi qui invente des personnages. Ah d'accord. Est-ce que ça avait vraiment existé ? Non. Twilight chapitre 5, révélation, deuxième partie. Donc, quoi c'était le tout dernier Twilight. Donc, alors, du coup, Team Jacob ou Team Edward ? Jacob. Ouais, Jacob. C'est le loup-garou, Jacob. Jacob. Carrément, les vampires, c'est des cons. Bah c'est d'ailleurs, surtout, c'est beaucoup plus badass d'être un loup-garou. Dans les acteurs qui ont joué dans Twilight, c'est ça parce qui que a eu une barbe. Bonne carrière. Un peu loup-garou, ouais. Tu as posé une question intéressante, mais pardon, redis là. Parce qu'on t'a pas entendu. Non, j'ai dit dans les acteurs principaux de Twilight, qui a eu une bonne carrière après, en fait. Parce que. Bah, je voulais juste me rappeler. Il y avait Robert Pattinson. Dans quoi est-ce qu'il a joué ? Dans quoi est-ce qu'il a joué ? Il va peut-être faire le Batman dans les nouveaux Batman qui vont sortir, mais. Ouais, mais à part ça, il a pas joué dans grand chose. Non, pas de grand chose. L'autre là, c'est quoi ? C'est Kellan Lutz, le mec qui joue. Il a fait The Rover avec Guy Pearce, c'est tout ce que je sais. Ouais. Et comment elle s'appelait déjà la fille Kristen Stewart, qu'est-ce qu'elle a joué ? Ouais, pas de. Si, elle a fait quelques films. Elle a fait de la déprime surtout, je pense. C'est parce qu'elle est déprimée elle-même. Il y a pas, tu peux pas lui donner un rôle heureux, en fait, ça ne colle pas. Non, mais en vrai, sans cracher sur la personne, il me semble avoir vu un film avec elle et je me suis dit, c'était pas si mal en fait. Elle est sortie de son rôle Twilight, elle a fait autre chose. Et... Donc, ok, moi, c'est un peu, un peu comme Brie Larson, cette meuf. C'est genre, il n'y a pas un panel émotionnel hyper grand. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse palette d'acting, je pense. Ouais. Mm-hmm. Ensuite, Jack Reacher avec Tom Cruise, qui est pas mal. Alors, en fait, c'était un. Il y a Jack Reacher et après il y a eu John Wick pas loin après. Merde. Ouais. Et oups. Du coup, John Wick a un peu démoli Jack Reacher. C'était à peu près les mêmes idées. Mmh. Et voilà, John Wick c'est bien mieux. Mais donc il est pas la même année, donc maintenant... Ah non, mais flûte. Pas 2012. Ah bah merde, alors 2013 du coup. Sûrement 2013, il me semble. Bon, Jack Reacher, on va pas en parler pendant longtemps, c'était pas ouf. Ils ont sorti un 2 qui était un énième rôle d'action beaucoup moins bien. C'est ça, c'est un film d'action de base avec Tom Cruise. Après, il y avait des 2-3 idées, mais bon, c'était pas fou. Expendables 2. Unité spéciale qui était sortie en 2012 avec le petit Hemsworth. Je le regarderai. Ouais, le frère Liam. Liam, c'est le plus grand, c'est Thor. Ah non, non, c'est Chris. Chris Hemsworth. Liam et Luke. Luke, c'est celui qui est dans Westworld. Ah, mais ils sont trois. Ouais, ils sont trois. Et avec le caméo, il me semble, de. Si je me trompe pas, attendez, le caméo de qui? Muriel Robin. Ah non, mais dans Expendables. Dans le 2, ouais, c'était. C'est Schwarzenegger. C'est Schwarzenegger. Qui revient. Qui revient. Et dans le 3, c'est. Dans le 3, c'est Texas Ranger. Chuck Norris. Ah, Chuck Norris. C'est dans le 3 ou c'est dans le 2? C'est dans le 2 aussi, je crois. Il est dans le 2. Ils ont envoyé le paquet, les mecs. Je sais plus, mais bref. Ouais, mais à chaque fois. On avait déjà Jordi dans le 1. Putain, moi, je les ai tous vus aussi. C'était dans le 1 ou dans le 2? Dans le 1. Moi, j'ai vu que le 1. Ah, c'était dans le 1, Jordi? Ah, bah, c'est peut-être. Mais il est dans les 3, je crois. Peut-être Norris dans le 2, alors t'as raison. C'était des films juste, tu les voyais parce que voilà, c'est comme Doom le jeu quoi. C'est genre. Oui. Tu défonces tout et voilà, t'as des puis gros. Puis il y avait The Rock. Et t'avais The Rock dans. Dans Doom non, non, dans Doom. Ah, pardon, ouais. Et il était pas dans Expendables ouais. Par contre. Non, non, non, il a jamais fait. Il était trop occupé avec Fast and Furious. Ah bah, non, non, à l'époque, oui, il y avait déjà Fast and Furious. 21 Jump Street, dernier film. Oh là oui, là, un chef-d'œuvre. Que j'ai commencé à regarder en fait un sur Netflix, que j'ai pas fini encore. Même le 2, je n'ai jamais. Ah ouais, mais tous. Ouais, mais de quoi ça parle? Channing Tatum, Jonah Hill, mais un duo incroyable. Ouais. Franchement, c'est. Raconte de quoi ça parle pour Homer Man. Alors, du coup, c'est l'histoire de deux flics qui sont absolument à chier. Comme Hot Fuzz. Hot Fuzz, c'est un peu le bienvenu chez les ch'tis. Alors, différent parce que du coup. Différent parce qu'en fait, Channing Tatum, en fait, c'est quand même un gros. Le mec est quand même un peu baraque. Donc, il a des possibilités. Tu vois, c'est, d'accord. Et Jonah Hill, lui, c'est un peu le cerveau. Donc, en gros, ils se sont aidés, ils se sont retrouvés, ils sont devenus potes. Et il me semble que du coup, ils sont vraiment nuls. Du coup, on les envoie travailler pour une équipe, une force d'intervention qui s'appelle la 21 Jump Street, justement. Ouais. Et ils sont chargés d'infiltrer. C'est... Un lycée. En fait, leur lycée. Attends, le lycée, c'est le 1 ou le 2? C'est dans le 1 c'est et dans le 2, 1. En fait, j'ai vu. Parce que moi, j'ai regardé le 1. J'ai commencé à regarder le 1. Non, il y en a un, c'est un lycée, l'autre, c'est une université, non? Ah, peut-être, ouais. Mais en tout cas, c'est le lycée. Là où il y a l'équipe de foot, c'est l'université. Ouais, c'est, donc c'est le lycée dans le 1. C'est ouais. Le lycée, le 1, ouais. Et bah, du coup, ils passent pas du tout la trave déjà, parce que bon, ils sont vieux. Et puis, et bon, ils sont un peu inconscients, donc ils font que de la merde. Ils doivent chercher un réseau de trafiquants de drogue. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais. Ça. Et ça part totalement en couille, mais genre, le duo. Il y a Brie Larson, juste... hein, d'ailleurs, dedans. Oui. C'est vendu. Ah bon? Mais vraiment, vraiment hilarant, quoi. D'accord, c'est ce vendu. Genre de film où, dans le duo, t'as un mec qui va à peu près réussir à mener l'enquête, mais l'autre, il va avancer dans l'enquête que par des conneries, en fait, que par des erreurs, tu vois. que par des péripéties de merde. Mais surtout, ouais, bien drôle. Ouais, c'est clair. Puis. Très bien. Et nous monter un peu moins. Jonah Hill, moi je le trouve juste hilarant et il a une espèce de passivité qui me fait tellement rire. Et du coup, subligné par le côté un peu benet Channing Tatum, moi j'adore. C'est vrai que c'est le gros bourrin qui n'a pas l'air très intelligent. Ouais, il le joue ça, vachement il transpire bien, pas ouais. L'intelligence. Mais du coup, on voit qu'il le joue bien. Et on nous dit qu'il y avait Jean-Claude Van Damme dans Expendables 2, en fait. Oui, c'est vrai. Excellent. On peut citer. On va passer maintenant au. Bon, comme tu vois, la partie musique ou série télé. Non, série télé. On fait les séries télé. Il n'y avait pas beaucoup de séries télé, dessins animés qui ont commencé en fait cette année-là. Attendez, mais en 2012, il n'y avait pas aussi le film 2012? Non, non, non, c'est en 2009. Avant, ouais. 2009. 2009. Okay. Ouais, c'était pour prévoir la fin du monde cette année-là. D'ailleurs, on a tous survécu, hein, bravo. Donc, du coup, on va pas parler de fin du monde aujourd'hui? Non. On peut dire qu'on a survécu. Pour moi, c'est hashtag on a survie. On a survécu. Survécu, oui. Ouais. Oui. Je suis pas français. Je suis la garde. Donc, le studio fait un peu abri anti-atomique. dire. Alors, la légende de Korra qui est sortie en série télé animée cette année-là. Vous savez ce que c'est? C'est la, le si je sais ce que c'est. Le spin-off de Avatar. Très bien. Ouais. C'est pas un spin-off, c'est une suite directe. Enfin, c'est. Non, c'est pas. Bah, c'est pas une suite directe dans le sens où ça se passe au moins 80 ans après. Oui, non, t'as raison. Oui, pardon. Du tout direct, ouais. C'est une suite, mais. Je sais pas si c'est un spoil de dire que du coup des personnages du premier Avatar sont décédés. Bah 80 ans après, c'est normal. Mais... Voilà. Ah, okay. Bon, l'Avatar est mort, c'est je l'ai dit. Ah, il l'a décédé. Mais du coup, la légende de Korra, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à suivre, qui ont eu du mal à faire la transition Avatar Légende de Korra, parce que déjà c'est assez différent, tu connais déjà l'univers, ça se passe aussi dans un univers un peu plus moderne. Ouais, ouais, t'as de la machinerie un peu, t'as de l'acier. Ouais, c'est ça, là. Exactement. C'est presque un peu steampunk. Ouais, ouais, un petit peu. Et il y a des gens qui trouveront ça peut-être un peu teenage. Moi, honnêtement, j'ai bien kiffé. Le pitch est sympa. Et si tu kiffes l'univers des Benders, eh ben, honnêtement, moi, j'ai foncé, quoi. J'ai dévoré la série. Et à peine après avoir fini la série, j'ai téléchargé le jeu vidéo et je me le suis fait en une nuit, quoi. Sache que pour la légende de Korra, ils avaient passé des annonces pour faire les VF, parce qu'en fait les VF officiels n'arrivaient pas, et donc il y avait une association ou je sais pas un crew qui avait passé des annonces pour faire des castings pour la VF. J'avais essayé, genre j'avais reçu tous les fichiers pour faire l'annonce de Bolin, je crois que c'était. Ouais, énorme. Ouais, ouais. Et je l'ai jamais envoyé parce que j'avais trop honte de ma voix. Et ouais. Et je viens à l'instant de me rappeler de cette histoire. T'aurais pu être une star, ouais. Mec. Putain, les mecs, t'aurais été tellement une légende. Putain, les mecs, la légende c'est de Korra. Ouais, ça aurait été la légende de Jules. Des podcasts dans un abri anti-atomique, mon gars. C'est-à-dire à manger des pizzas froides. On va pas revenir là-dessus. Il y a eu le début de la série Arrow, d'ailleurs, qui vient de se terminer. Grosse merde. Pas longtemps, ils ont annoncé. Début du DC série universe. Du CW-verse. Ouais, avec des grosses guillemets quand même. Avec toutes les séries ensuite qu'il y a eu avec. Toutes les séries avec des grosses guillemets aussi. Supergirl, Legends of Tomorrow, ouais, Black Lightning, etc. Attends, c'est quoi ça Black Lightning ouais. Attends, Black Lightning, c'est. C'est une sorte de Static Shock, mais c'est pas pareil. Mais il y a eu une série de ça. Sérieux? Oui, bah, celle qui est sur ma veille. Elle est passée complètement à trappe. Ah, je savais pas que c'était d'ici. Ouais, c'est d'ici. Ouais. Ok. D'accord. Et ouais, non, bah voilà. On apprend tous les jours. C'est joué par un acteur qui. On parle de Arrow. Stephen Amell, franchement, je le déteste. Enfin, j'aime pas du tout. Moi, j'ai bien aimé les deux premières saisons. C'était franchement, j'ai pas mal accroché. J'avoue, j'en ai regardé trois et après j'ai lâché. Après, c'était un peu Batman quoi. Enfin, bah, c'est exactement ça. C'est Batman avec un arc. Mais voilà, déprimé en fait. C'est même le côté un peu sombre, déprimé. Et je suis entièrement d'accord. Et en fait, moi j'ai lâché. Surtout qu'en fait, il y avait Flash qui commençait à ce moment. Ouais, moi j'ai lâché pour Flash. En me disant Flash c'est mieux. Et en fait, non. Et ouais, exactement pareil. En fait, Flash c'était tout l'inverse de Arrow. En mode, c'était un peu trop teenage. C'était un peu trop beau, tout ci, tout ça. Le costume, putain. Mais moi, je suis entièrement d'accord. Mais moi, je me disais, bah Flash là, c'est Flash à peu près, tu vois, c'est pas il se prend pas pour un autre héros, tu vois, alors que vraiment Arrow là c'est Batman. Ouais, et au final pareil, j'ai arrêté les deux. J'ai totalement arrêté les deux. Et t'as pas regardé Supergirl du coup? Et j'ai pas été jusque là. Non. Mais j'ai regardé juste quelques scènes d'action, il y avait Martian Manhunter et c'est dégueulasse. C'était quoi la série là où ils ont fait un crossover? C'était Legends of Tomorrow. Bah du coup, j'ai failli me remettre à Arrow et Flash. Super bien en fait. Bah du coup pour regarder ça, mais j'ai pas le courage. Si t'aimes Doctor Who, et bah oui, c'est ça. T'as plein de voyages temporels, etc. Et de petites singularités. Moi j'ai l'impression qu'il faut tout regarder si tu veux regarder. Bah c'est un peu ça. L'univers à regarder, il y a beaucoup trop de trucs. C'est un bordel. Faut se remettre à ces séries-là. Bah ouais. D'ailleurs, c'est Rory dans Doctor Who qui joue Rip Hunter. Oui, c'est ça. Oui, j'avais vu. Ouais. Mais du coup, tu vois, pour revenir sur Arrow, il y a une saison qui est très bonne, c'est celle avec Deathstroke. Oui, mais c'est la première, non? Attends, alors, Deathstroke, non, je sais plus. J'aime bien le personnage, mais je trouve le masque à chier. Genre, je trouve trop moche le masque de Deathstroke. C'est celui qui ressemble à Lego, je sais pas. Deadpool, en fait. Mais qui est orange et noir. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bon. Ouais, Deadpool est le plagiat de Deathstroke. Ah bon, par Marvel, ouais, ça a été prouvé, ils l'ont assumé dans les dates, après, voilà. Ensuite, il y a eu la série animée Dragon, adaptée du film DreamWorks, hein, voilà. J'ai jamais vu, j'adorais les films. Qui est sur Netflix, d'ailleurs, il me semble, la série. Ouais, Netflix. Il paraît que c'est bien, après, j'ai pas regardé non plus. La série Elementary. Voilà. Les premiers épisodes, j'ai lâché. C'est comme c'est un Sherlock c'est ça, mais dans le présent, c'est ça. Non, mais Sherlock aussi c'était dans le présent. Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment un. Non, mais je veux dire, le personnage. Pour surfer sur la hype de. Qui c'est américain. C'est ça. Alors que Sherlock était anglais. Voilà, c'est ça. D'accord. Et déjà, Watson est une femme dans cette adaptation. Enfin, c'était trop libre là. C'est vraiment. Bon, bah, c'est. Voilà, américaine. C'est pas tant grave que ce soit une femme. Hein. Non, mais je veux dire, non, mais c'est juste qu'en fait, ils se sont dit, on va adapter l'idée juste de Sherlock. Et ça n'a rien à voir avec tout le reste, quoi. Enfin, alors que Sherlock avait bien réussi, ça marchait de mettre dans le présent. Façon, et voilà. Je pense que même si Sherlock, enfin, si voilà, avec tout ce qu'ils ont fait, que Watson soit une femme, etc. Si simplement la série était bien, personne n'aurait gueulé. Oui, oui, en fait, voilà. Simplement, là, c'est nul et en plus, vous avez changé plein de trucs pour rien. Donc, Et c'est américanisé au plus haut. Ah, je pense que c'est le pire. En fait, je pense que c'est le pire, l'américanisation de la série. Et ça se passe aux États-Unis. C'est Trump, Camille, ça. Toi, tu l'as vu. Ouais, ça se passe. Mais ça se passe avec ses tweets là. Bah, ça se passe aux États-Unis, donc déjà en fait, y a un gros problème. Bah, en fait, pour moi, t'as déjà tué Sherlock. En fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas Sherlock. En fait, ils auraient pas dû dire que c'était Sherlock. Ils font une autre série policière et ok. Ouais, peut-être. Mais ça a rien à voir avec c'est Sherlock. C'est juste pour ramener des gens pour faire genre. Ouais, en plus, il y avait la hype de Sherlock à ce moment-là. Voilà. Alors, série exprès pour Mervan, on l'a noté. Attention. Qu'est-ce que tu saurais ce que c'est? Un dessin animé. Un dessin animé spécialement pour. Une série animée, ouais. Je crois que. Non, t'en mais. T'en as parlé très vite fait. Est-ce que t'en as parlé là? Ouais, je crois. Là, franchement, je suis pris. Jojo's Bizarre Adventure qui a commencé. J'allais dire, mais je pensais pas que c'était. Parle-nous un peu de cette série. Tu t'es spoilé Endgame en regardant des matchs. Pas trop, parce que je veux commencer. Ce qui m'a permis de. Tu veux commencer? Ouais, moi, je suis chaud pour commencer parce qu'en plus, je crois que Netflix va récupérer les droits bientôt. Ils vont récupérer. C'est ça. Mais spoil pas trop, hein. Pitch seulement. Sinon je vais sur Reddit. Comment dire, attention. Ouais, comment c'est vachement compliqué à pitcher, mais c'est un shonen, tu vois, donc un manga d'action, tout ça. Où est-ce que t'as comment... C'est un truc au début qui est vachement branché magie, tu vois. Donc t'as des gens, ils utilisent une énergie qui s'appelle l'amon, tu vois, pour et en fait ce qui est surtout le sort des autres shonen, c'est la créativité des gens qui. Tu peux tout faire avec la main. C'est quand tu peux lancer des vagues d'énergie. Si tu touches certaines parties, certaines choses, elles peuvent s'animer, tout ça. Et en fait, ça suit la famille Joestar. Donc il fait, au début, voilà, comme Joestar, exactement. Ça s'écrit presque pareil en plus. À un Y près. À un Y près. Très bien. De noble au début, c'est un gars qui est noble, c'est un petit merdeux, il a son chien, il parle bien en face de ton micro. Il a son chien, il a son petit manoir avec son père, et un jour il y a un gars qui vient bouleverser tout ça parce que son père il a eu un accident de caravane avant. D'accord. Et il est persuadé qu'un gars lui a sauvé la vie, sauf que c'est faux. Et ce gars qui, en fait, ça c'est le premier épisode, donc je me permets de le faire. Le gars en fait profite, le gars est un merdeux, il voit que le gars est riche. Il se réveille de son accident de caravane, il dit « Ah, vous m'avez sauvé la vie ». Et donc du coup, plus tard, quand ce gars, le vieux connard, est en train de mourir, il dit à son fils « Bah, va voir cette famille-là, ils me doivent quelque chose ». Et donc le gamin, mais vraiment le pire fils de pute du monde, hein, qui s'appelle Dio, va aller chez les Joestar et... Son objectif, c'est de leur voler leur fortune. Et ça commence comme ça. Et sauf que mais après, ça part carrément. Ça part carrément en couille et j'arrête là. Et après, il y a plein de trucs. Et juste, pardon, je reviens dans le micro. Chaque saison, c'est un personnage différent, je crois. C'est ça que tu m'avais dit. Alors, un personnage principal différent. Bah, pour l'instant, je viens de commencer la saison 3. Ouais. Non, en fait, c'est la saison 2, mais c'est la troisième partie. Parce que ça se divise en plusieurs parties. Et à chaque fois, pour l'instant, on suit des différents protagonistes de la famille Joestar. Et pour l'instant, ça reste avec les Joestar. Après, je crois que ça va changer sur la suite. Okay. Mais c'est vraiment sympa. Dio a quand même un nom de saucisse. Ah ouais? Quoi? Dio? Non, c'est ça. C'est pas pour moi, c'est le chanteur de Metal. Je sais pas. Ouais, Ronnie James Dio. Mais en fait, c'est alors ça, oui, il y a beaucoup de références à la musique. Déjà, il y a un très bon. Le ending, c'est Yes. La musique Roundabout. Vous savez, c'est cette. Ah, c'est, oui cette Non, c'est je peux même pas vous le chanter. C'est ce riff de basse hyper iconique, hyper dur à. Je peux pas vous le chanter. C'est inchantable. C'est 5 secondes. Ça fait genre c'est tout en slap. Ça fait. Vous savez le même To Be Continued. Ouais. Et ben c'est cette chanson là. C'est cette chanson là en fait. Déjà. Ok, d'accord. Et mais c'est vraiment bien. Ah j'aimerais tellement. Non je sais pas la faire. Et non, vraiment, il y a des bons trucs. Il y a plein de personnages. Ils ont tous des noms qui sont tous dérivés de la musique. T'as Robert Speedwagon, parce qu'il y avait un groupe qui s'appelait Speedwagon. T'as Dio. Oui, ok, donc il y a clairement des références. Non, il y a clairement des références à la musique. C'est très bien. Il y a plus loin, après, un truc qui s'appelle King Crimson. Il y a un groupe qui s'appelle Crimson King, tout ça. Bon, du coup, ouais, une très bonne série animée. Très, très, très bonne série. Je suis d'accord, j'ai la musique. Et très bonne série. Manga de Tu veux nous mettre Ouais, tu peux la mettre contre le. Alors, c'est super connu, vous allez. cette chanson. Ouais, c'est ça en fait. Et en fait, il y a toujours, les épisodes finissent toujours sur des cliffhangers, et c'est ouais. de là que le mème est venu en fait. Parce qu'après, ouais, okay, c'est un fondu, enfin ça s'arrête au gris, c'est marqué fin, et puis là t'as le temps. C'est aussi de la culture internet. C'est ça. Tout à fait, on est déjà pas mal de temps. On va enchaîner. Ouais, 1h23. Ouais, à peu près, voilà. Sérieusement ? Mais ça va, on est dans les temps, donc tout va bien. Dernière série, en fait, c'est pas vraiment une série, c'était une série de sketch. Ouais, une, ouais, une série à sketch d'ailleurs. Mais on connaît peu en France en fait, c'est Key and Peele. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Jordan Peele, Jordan Peele, qui est d'accord, le réalisateur de Us et de À l'époque, je connais, j'ai regardé les premiers, il me semble. Moi, j'ai connu en fait récemment parce qu'en fait la chaîne Comedy Central qui arrive en France diffuse en fait tous les Key and Peele. Et donc c'est une émission de sketch, donc c'est genre des trucs de 30 minutes et il y a des petits sketchs dedans par Key and Peele qui sont deux gars trop cool, enfin les mecs sont très bas, le réalisateur de Get Out, Jordan Peele, est un génie, et l'autre c'est ça peut être un génie sur je sais plus comment il s'appelle, oula, on va pas débattre sur Us, attention, je sais plus son prénom, qui c'est Kinan, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Enfin, qui ça fait partie de son. Ouais, voilà, il y a une petite. Bref, mais un duo comique qui marche bien et ils écrivaient très bien. Enfin, des sketchs. Ouais, bah après, voilà. Mais en France, on connaît très peu en fait. Ouais. Mais on pourrait trouver sur YouTube, je crois. Oui, et je crois que j'ai regardé avec mon frère, je les ai re-regardés récemment. Et apparemment, je crois que le plus connu, c'est le prof ou l'instit, un truc dans le genre. Bah, en fait, il y a un truc qui est pas mal connu, c'est Peele qui. En fait, à l'époque, ils imitaient Obama pas mal. Oui, en fait, c'était le sosie officiel d'Obama, le gars. Et, mais parce qu'il a été. En fait, il a été surtout repris et très récemment dans plein de mimes. Mais vraiment, le plus connu, on a regardé au niveau du nombre de vues, en fait, mais pas en France du coup. Mais c'est vraiment aux États-Unis, c'est ce truc de l'instituteur. Moi, ça me dit rien, mais peut-être. Mais regardez sur YouTube, vous pouvez vous taper Key and Peele et vous trouverez. C'est pas pareil, c'est à mourir de rire, ah, ouais, des heures de sketch. Hilarant. Hilarant. Et pas mal, en fait, de youtubeurs en France. Disent qu'ils sont pas mal inspirés de ça, bah, Adrien Méniel en parle souvent, Flaubert aussi, voilà, c'est une institution des sketchs. On lui souhaite un joyeux anniversaire, bien sûr. Ah oui, l'anniversaire d'Adrien Méniel. Apparemment, ce sont les anniversaires. Voilà, on a su tout à l'heure. On va passer maintenant à la rubrique un peu musique qui sont sorties en 2012, et vous savez qu'on a un petit jeu pour ça, puisqu'on adore les jeux. C'est de. En gros, c'est de lire les paroles des chansons en fait en les traduisant aussi. Voilà, donc on va juste. Une première qu'on n'a pas traduit, c'est ça ? Ouais, alors il y en a qu'on va vous citer qui sont juste pas traduites. Parce qu'on en voit cette année-là, il y a eu quoi qui est sorti ? Il y a eu Michel Tello, Aïsouti Pego. Vous vous rappelez ce truc-là. C'est une chanson de club de vacances. Une chanson toujours jouée dans le métro. Ouais. Tu l'as chantée Oui, c'est vrai. On peut faire 15 secondes de Michel Tello. Nana, nana. Voilà, on arrête. J'ai pas retenu, moi, personnellement. Bah, oui. C'est une chanson avec un accordéon. J'ai très peu envie de la chanter. Merci au public. Ah, ouais, pas mal le duo. Ah oui, ça y est, ça revient. Là, il y a une montée d'ambiance, mon gars. D'un coup, c'était Radio Tropique, mec. Ça, t'aurais pu leur mettre ça à tes gosses, là, au lieu de leur mettre 33 pas. Vas-y, Jules, je te laisse lire les paroles de cette chanson. Vous devez deviner le titre. Sauf si vous arrivez à lire d'ici, mais. Non, mais en termes de réponse. Participer mais très tard alors pour les laisser réfléchir. Alors c'est une chanson effectivement sortie en 2012 qui a fait un carton et dont les paroles font, attention, c'est vraiment piégeux, crier à tous mes garçons perdus, chu, crier à tous mes garçons perdus, nous tapillons, crier à tous mes garçons perdus, chu, crier à tous mes garçons perdus, nous tapillons. Alors là vous avez trouvé je pense. Pas du tout. Vous allez. Ah d'accord. Une attaque. Attention, vous êtes prêts pour le refrain? Point, poids, poids, poids, poids, poids, poids, poids, poids, poids, poids, poids, poids, poids, poids, poids, bangarang. Ah, Skrillex, bangarang. Skrillex, bangarang. Bravo. Et pas Bangalore, le personnage. L'Apex. C'est quoi? Hashtag rire forcé. Voilà, c'était Skrillex, bangarang. D'accord. C'est vraiment juste ça les paroles, quoi. C'est crier à tous mes garçons perdus. À tous mes garçons perdus. Shout to all my boys. Ch. Ok. Ah d'accord. Mais oui, mais toujours demandé ce qu'elle disait. Mais oui, oui, mais du coup, c'est on prend vraiment les traductions. Ouais. On prend vraiment les traductions. Merci au public pour la vraie traduction. Pour moi, c'était pertinent parce que je me disais, putain, ça veut rien. T'aurais plus trouvé si on avait dit ça. On prend vraiment les réponses natives de Google Traduction. On les change absolument pas. On trouve que c'est aussi marrant. Autre carton planétaire, on peut dire. Ouais, ouais, je suis d'accord. Dont les paroles font « Un homme aussi chaleureux que toi dans la journée. Un mec qui frappe une tasse de café avant de manger. Un homme dont le cœur éclate quand vient la nuit. Un tel homme, belle et belle. » Alors je vous avoue que, c'est pas fini, je vous avoue que nous, en écoutant, on savait pas du tout aussi ce que c'était les paroles. Aucun moyen. Ouais, hey, hey. Ouais, tu, hey. Je vais partir à partir de maintenant. Ah, c'est bon, je sais. Attends. Qu'est-ce que c'est? C'est bon, je sais. Oh là, tu l'as là? Ouais, c'est bon, je l'ai. Waouh. Est-ce que je continue? Tu veux... Ah, ouais, est-ce que t'arrives à le chanter en français là, la suite ou pas? Chanter le refrain en français? Bah, il me semble que c'est Call Me Maybe. Non, pas du tout. Ah, okay. Voilà. Éloignez vos téléphones, je sens qu'il y a des petites interférences. Ah ouais, faites gaffe, les gars. Mode avion. Mode avion, ouais. Chez vous aussi, en mode avion, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Hop. Vas-y, fais-nous le refrain. Je passe au refrain. Vous allez trouver. Hein. Donc, ouais, hey, hey, tu. Hey. Je vais partir à partir de maintenant. Style Gangnam. Ah, Gangnam Style. Gangnam d'accord. Style. Oh, Gangnam Style, voilà. Et après, bien dame sexy. Il fait bien dame sexy. C'est vachement nul. Ok. Voilà, style Gangnam. On a vérifié, c'est un quartier de Tokyo, je crois. Voilà. Non, pas Tokyo. De Séoul. Ouais, de Séoul. Voilà. Quartier riche. Rien à voir. Je suis pas sûr. Ouais, quartier riche, ouais, tout à fait. Voilà, donc maintenant vous le saurez, car c'est aussi de la culture. Voilà. Prochaine chanson. Tu veux que je Allez, vas-y. Parce Alors. Que t'as une belle voix. Sympa. Merci. Elle est juste une fille et elle est en feu. Plus chaud qu'un fantasme, plus long qu'une autoroute. Elle vit dans un monde en feu. Sentant la catastrophe. This girl is on fire. Ouais, je l'artiste. C'est pas Alicia Keys. Tout à joué. Ouais, je voulais que je finisse. Non. pourquoi Ah si le refrain peut-être. Sentant la catastrophe, mais elle sait qu'elle peut s'envoler. Oh, elle a les deux pieds sur terre et elle le brûle. Oh, elle a la tête dans les nuages. Elle ne recule pas. Cette fille est en feu. Cette fille est en feu. Elle marche sur le feu. Ouais. Cette fille est en feu. On le rappelle à la fin, bien sûr. Voilà. Ensuite, entre temps, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, on a eu un petit Old City, son retour. Deux fois Old City, Old City. C'est en fait, oui. En fait, je me suis trompé parce que la chanson. Firefly, non ? En fait, non, c'est Firefly, c'était encore avant, je crois. Mais là, c'était la chanson Good Times qui était sortie. Owl City et Carly Rae Jepsen. Je sais pas si vous voyez quelle chanson c'est. Pas du tout. La mets peut-être que je te dirais. Oui. Allez, le public. Bon, c'est pas grave. On continue. Il y a eu C2C Happy. Ah ouais. Putain, c'est Happy. Merci. Bah, c'est happy. C'est ça que j'entends moi. En plus, ils font les. Ouais, C2C qui a sorti un seul album. Et Où ils sont venus, l'année où ils sont devenus populaires. Voilà. Ouais. L'année où ils ont été populaires. C'est ça. Ouais, rien de plus à dire en fait. Ouais. Voilà. On a Sean Paul qui, lui, bon. Lui, il continue plus belle, sa petite carrière. Ouais, avec Hold On. Voilà. Hold On. On dirait qu'il est Hollande. Sean Paul, j'ai pas dû écouter depuis Température. Ouais, bah moi je l'ai écouté malgré moi. Cette chanson. Tu l'as pas traduit celle-là? Tu veux que je la traduise? Franchement, au pire, je peux la traduire. Non, tu veux peut-être que. Attends, on va mettre Google Trad. J'aurais pu la traduire en temps réel. Bon, allez. Ouais. Cette chanson, faite par une artiste célèbre quand même aujourd'hui, fait comme ceci. Il était une fois, il y a quelques erreurs de ça, j'étais dans votre ligne de mire. Tu m'as seul. Ça veut rien dire. Vous m'avez trouvé. Je suppose que tu t'en foutais et je suppose que j'ai aimé ça. Ah. Et quand je suis tombé fort, vous avez pris un peu de recul. Sans moi. T'as une idée? Tu l'as, ouais. Je pense savoir. C'est. Putain, j'ai demandé son nom. Vous avez pris un peu de recul. Et il est parti depuis longtemps. Quand il est à côté de moi. Taylor Swift? Ouais, oui. Bien joué. Comment s'appelle la chanson? En français? Exactement. La chanson en gros ça dit je savais que t'allais me causer des soucis. Ouais. Putain, j'ai oublié le titre. Je savais que tu allais me causer des soucis. En français c'est ça le titre. Allez, un petit devoir d'anglais là. Oh, ouais. J'entends des réponses derrière. Trouble. Ouais, I knew you were trouble. Ah, oui, voilà. En fait, je me rappelais pas du tout du nom de la musique. Je connais plus la musique. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ben écoutez, en musique, tout ce qu'on a eu ensuite, dernière, c'était ouais, 1995, la suite. Chanson qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, mais alors je t'avoue que j'avais oublié le riff au début. Ouais, mais tu me la rechantes. Enfin, tu veux que je te le fasse en trompette? Vas-y. Attends, t'as ton mélodica? Ah putain, il est où? Est-ce que t'arriveras à où le mon sac? Non, je vais trop galérer, ça va être trop. Ah, t'es sûr? Je suis pas prêt, mais je m'entraînerai pour la prochaine fois. Promis, je m'entraîne pour la prochaine fois. Promis, je m'entraînerai. Sortez le hashtag Melodica si on est en TT. On sera pas, donc ça va. Hashtag gros TT d'ailleurs. On va passer sur les événements un peu qui sont passés en 2012. Bon, mis à part la fin du monde. Mais mon anniversaire. Ah, mais il y a le mien comme. Ouais. C'est vrai? Attends, c'est à vous aussi? Non, c'est fou les gars. Non, après, on a enlevé un peu les événements un peu tristes, mais finalement on commence par le paquebot Costa Concordia qui s'est échoué le 13 janvier. Mais vous vous souvenez un peu, après il y a eu pas mal le procès du capitaine qui avait sauté, qui s'était barré, qui s'était enfui, un bâtard. Il y avait ses 32 morts derrière lui. Hein. Ouais, quand même. Bon, on va pas trop. Qu'est-il devenu? Le pisse au cul. En prison, probablement. Il y a eu le 26... Bon, on parle de trucs plus gays, quand même. Le film français The Artist, qui a eu l'Oscar du meilleur film. C'est le premier long-métrage non anglophone à remporter un Oscar. Et en même temps, à remporter l'Oscar du meilleur film, pardon. En même temps, c'est un peu triché. Il est non anglo-saxon. Il y a genre deux mots en français dedans. Voilà. C'est genre, zut, peut-être. Et tu vois, c'est... Oh. Ouais. Voilà, mais c'est que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Et qui était sorti en 2011, du coup, c'est pour ça qu'on l'a pas cité. Le 4 mars, Vladimir Poutine remporte l'élection présidentielle dès le premier tour, évidemment. À 104%. Sans grande surprise. 64%. Et c'est son troisième mandat. Enfin, c'était à l'époque son troisième mandat. Bon, maintenant il en est à 46 mandats. le 6 mai, alors étonnamment, le socialiste François Hollande est élu à la présidence. Voilà, c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est passé comme ça finalement. Ouais. Non, c'est bien passé. Il est passé. Pas par des histoires de décalage de loi, c'était pas lui le mariage pour tous du coup. Si, ah, il l'a fait, lui, il l'a fait. Pas si mal. Rendons à François ce qui était à François. Quoi. Les JO à Londres aussi, il y avait le 27 juillet 2012. Ouais, c'était des beaux JO. Des beaux Jeux Olympiques. C'était éclairé. Belle épreuve de lancer de poids. Ils ont bien couru vite. Tu dis quoi, pardon? 2012 qui aurait dû être l'année de Paris en fait. Ah ouais? Il me semble qu'on était en concurrence contre Londres pour les JO 2012. Et maintenant c'est 2020. Les prochains, 24. Ils nous ont mis 12 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, pas grave. Ça a bien niqué. Le 6 août, le robot Curiosity se pose avec succès sur Mars, ouvrant une nouvelle ère d'exploration de la planète rouge. Premier robot à se poser sur Mars, je crois. Ça fait déjà 7 ans, du coup. Il en a rapporté des photos un peu plus concrètes, en tout cas. Ouais, après, il y a eu l'autre, du coup, plus récent, non? Où c'était toujours Curiosity, là, qui s'est éteint il n'y a pas très longtemps, là. C'était. Qui s'est chanté. Ouais, c'est Curiosity. Pourquoi c'était encore lui? Putain, il est resté 7 ans, du coup. Il a de la bouteille. Ça plus longtemps que François Hollande. Ouais. J'aime bien. Baloumka. Et cette année, dans l'espace, il y a eu la mort de l'astronaute Neil Armstrong. Voilà. Premier homme à avoir marché sur la Lune. Pour ceux qui y croient. Ça y est, ça y est. Radio conspiration. Non, mais voilà, la même année que Curiosity. Et 7 ans plus tard est sorti First Man. Ouais, c'est vrai. Très bon film, mais on en reparlera quand on parlera de l'année 2018. Et ouais, quand on aura 35 ans. Et enfin, du coup, on en a parlé tout à l'heure dans les tweets, Barack Obama qui est réélu pour un second mandat de 4 ans à la Maison Blanche. Contre Mitt Romney, c'est ça? Exactement, on l'avait noté en plus, je voulais vous le demander. Mitt Romney, tu me l'as sorti. Bravo. Mais du coup, c'était qui? C'était McCain au début? Le premier mandat, c'était McCain, ensuite Romney? Je crois que c'est ça. C'est ça. Qui a fait des frites complètement après. Complètement raison. Mitt Romney qui n'aurait sûrement pas fait un si mauvais président que ça maintenant. C'est vrai, parce que quand tu peux plus fort, parce que vraiment. Comme tu le dis, on dirait presque un russe. Mitt Romney. Je sais même pas comment ça se prononce. Mitt Romney. C'est Rooney. C'est pas Rooney. Non, je sais pas. Bah, enfin, rien, qui donc, bon, bref. Un meilleur président que Koé. Qui a sorti ce spectacle. Parce qu'en fait, on enchaîne avec la rubrique des spectacles. Habile transition, ouais. Koé qui a fait son spectacle Picard Forever. T'envoies déjà du gros. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais là, on est plus dans les événements. C'était. 120 entrées. Je sais pas. Si jamais vous avez vu des spectacles cette année-là, n'hésitez pas à le dire. Est-ce que vous aimez bien Pas celui de Koé, en tout cas. Ouais, voilà. Est-ce que vous aimez bien sa performance dans Garfield, le film? On passe au sujet suivant. Il y a eu Elise Moon avec Tranche de vie. Est-ce que vous aimez Elise Moon? Est-ce que vous aimez sa performance dans Du Cobu? C'est ce que je demande à chaque fois. Allez, on enchaîne. Hein. Michel Bernier à l'Olympia. Non, ce n'est pas notre tranche d'âge. Pas du tout. T'as pas autre chose là? Alors... Ah, si, on a encore pire. Alors, bien pire, vas-y. Michel Lev avec Qu'est-ce que le sexe? Oh là là, bon spectacle. C'est encore long le podcast là? C'est bientôt fini. Oh non. Et enfin, toujours pas pour nous, Palma et La Roque, dans leur pièce, ils se re-aiment. Waouh. Mais où est-ce que vous avez trouvé? Et attends, on nous dit le début de Kev Adams aussi cette année-là. D'accord. Oh merde. Une triste année pour le rire. On riait très peu. Ouais, on a pas beaucoup ri en 2012. Alors, on va parler un peu jeux vidéo maintenant, et c'est notre dernière rubrique de l'année 2012. Il y a eu beaucoup de très bons jeux qui sont sortis. Je te laisse commencer. Écoute, on a eu le petit Assassin's Creed 3. Je sais pas si ça parle à ça. Oh, j'ai entendu des petits gémissements derrière. Vous avez joué, c'est celui qui se passait en Amérique. Ouais. Un peu moins vertical que les autres, il me semble. Une grosse claque graphique à l'époque, mais alors moi je vous dis, j'ai vraiment jamais joué à une claque graphique et pourtant ils l'ont remasterisé il y a pas longtemps. Ouais. Comme quoi, il y avait quand même besoin de le refaire, mais non, dans la lignée des premiers Assassin's Creed qui étaient encore très très bien à l'époque. Il avait moins fait l'unanimité, je me rappelle, ouais. Ça a été un ça peu repris. C'est sûr peut-être, qu'après le 2, après le 1 et le 2. Ouais, ça a été un mini déclin, on va dire, ça marche quand même super bien. On a eu aussi Diablo 3 que j'ai acheté récemment. Oh là là. Ah, et moi je l'avais bien poncé à l'époque. Ah bah j'ai pareil, pas fini, hein. Et ça m'arrive encore d'y jouer récemment. Et je pense que je le ressortirai. Jouons ensemble un jour. Diablo. Alors, Repermettez-moi de. Diablo qui est maintenant un jeu mobile. C'est vrai. Pas encore, hein. Il me semble qu'il n'est pas encore sorti. Ça va pas tarder. C'est ça, je crois qu'il a dû déjà sortir en Chine. Il y avait eu grosse. Pas polémique, mais genre gros bad buzz. Après pourquoi pas quoi. Oui, tu veux dire par rapport à l'univers Diablo et Les gens s'attendaient à Diablo 4, mais en même temps, le 3, il n'avait pas mis 11 ans à être développé. Plus, hein, Diablo 2, il a dû sortir en 98, et celui-là, il va sortir. Vous ne pouvez pas s'attendre à Diablo 4. Ah non, moins que ça. Moins 98, non, Diablo 2. Plus vieux, Diablo 2, même, il est bien vieux. Hein, plus vieux que 98, je pense, peut-être 80. Ah, je ne saurais pas dire. Il faudrait vérifier. On fait appel au chat. Appel au chat, en quelle année est sorti Diablo 2? Si vous avez la recherche, mais non, le chat va nous répondre. On attend vos réponses dans le chat. Diablo 2 avec le hashtag 2014. Non, pas du tout. Non. 2000. Ah, bah si, bah d'accord. Attends, je pensais pas que c'était plus vieux. Bah pareil. Et les gens s'attendaient donc tout normalement 6 ans après à une annonce de Diablo 4. Alors que bon, c'est 12 ans. Peu probable. Est-ce que c'est normal d'attendre 10 ans pour faire un reboot? Je ne sais pas. Non, pas un reboot, pardon. La suite, c'est une suite, pas un reboot. On a eu le jeu Dishonored de Bethesda, moi j'ai adoré, vraiment une perle du jeu. Je crois que je l'ai eu gratuit sur J'ai joué au 1 et 2, et les deux sont vraiment des perles. Pas joué encore au 2, mais le 1 déjà excellent. Très très bon, ouais. Jeu de... C'est dur à décrire, un peu infiltration, mais pas vraiment... Enfin, pas vraiment infiltration, mais faut être quand même discret. La joie est bourrin aussi. C'est un peu comme Bioshock, non? Vite fait. Oui. Ouais, moi j'ai envie de dire oui, hein. J'ai envie de dire oui dans le sens c'est un jeu. C'est dur à dire. C'est hein. un peu comme FIFA, ouais, ouais. C'est en mieux. J'estime. Enfin, j'ai l'impression que c'est mieux parce que FIFA a pas été un grand succès. Mais après, FIFA, c'est une série qui est vieille, quoi. Enfin, ouais, exactement. Déjà... Moi j'adorais FIFA parce que. Ah, le remake, après, je sais pas. Mais... Parce que j'avais joué au premier jeu. Mais alors, tu as 45 ans, donc vraiment. Exactement, est-ce qu'il est long ou est-ce que ça va? Dishonored, pardon. Non, il est assez court. Ouais, tu peux le jouer très vite en speedrun. Ce que je me souviens en tout cas des raids. Après, je sais pas, il avait refait un peu dans le 2 aussi pareil. C'est que si plus t'étais violent dans le jeu, pire la fin était. Ouais, c'est pas français ce que je dis, mais la fin était pire en gros. Enfin, Pire pour toi, ton héros. Oui, pour ton héros, ouais. Et pour. Voilà. Et donc ça dépendait de tes actions en fait. Et t'avais plusieurs fins différentes. T'en avais, je crois, 4. Et même l'univers en fait devenait sombre. Si tu devenais sombre toi en fait, donc c'était vachement bien foutu et Après voilà, faut aimer les jeux Bethesda et c'était Arkane qui avait développé il me semble. Arkane Studio, qui est lyonnais. Et donc faut pas s'attendre à des graphismes de malade. Sur les quais d'ailleurs. Sur les quais de Confluence, sur les quais de Confluence. Ouais. On les voit bien, il y a le logo. Et c'est super stylé. Ils sont très bien placés. Et je leur ai envoyé une demande de stage, ils m'ont jamais répondu. Et on les embrasse. On ira leur rendre une petite visite si vous écoutez. Après, ce que je voulais dire, c'est que les graphismes sont pas oufissimes. Faut pas pour l'époque, c'était pas mal. Je sais pas pour l'époque. Ouais. Moi, j'ai joué il y a 2-3 ans. Ça m'a pas choqué. Hein, mais il n'y a pas un parti pris. Genre, c'est pas, ils ont pas essayé de faire un truc photoréaliste. C'est non, un peu. Voilà, c'est pas photoréaliste. Du coup, ça vieillit bien. Quoi. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Après, ils ont fait un remake, je crois, il y a pas longtemps. Ils ont remasterisé. Enfin, pas un remake, un remaster. Je crois pas qu'ils ont remasterisé. Sérieusement ? À la sortie du 2, ils ont remasterisé. J'ai joué avant la sortie du 2 et pourtant ça m'a pas choqué. Après ils ont dû changer les textures quoi. Ouais, bah bon. Voilà. Ensuite on a eu Far Cry 3. Ah, ouais. Le seul auquel j'ai joué. Ah bon ? Un des meilleurs Far Cry, il me semble. Hein. Parce que le méchant était vraiment. J'en ai joué à pas mal. Ce que j'ai cru entendre après, moi j'ai pas joué. C'est celui qui a relancé. Vas-y, Jess. Non, vas-y. T'as commencé par lequel, Mervan, toi déjà ? Moi j'ai recommencé par le 1. Ah, on est d'accord. Allez, si, Far Cry. Est-ce que vous avez vu le film ? Il y a eu un film réalisé par Uwe Boll, je crois que c'est. Je pense. Bah, de toute façon, Uwe Boll, déjà, c'est labellisé film à chier. Si ce n'est pas lui, c'est son frère. Oui, c'est ça. Mais Far Cry, ouais, le 3 qui a relancé la franchise. Parce qu'il y a eu le 2 qui se passait en Afrique. Où est-ce que tu avais la malaria? Ils avaient eu cette super bonne idée. Ouais, ils ont eu cette super bonne idée de dire ouais les mecs, on va mettre une maladie dans le truc. Et en fait, c'est juste chiant, ouais. Parce que tu dois tout le temps chercher des médocs. Ouais. Moi le 1, je le trouve plus beau que le 2. Ouais. Visuellement parlant. Non, mais je suis assez d'accord. Et en fait, j'adore relancer des fois Far Cry 1 parce que c'est. Enfin, tu sais, t'as ce niveau d'entrée où est-ce que t'es dans la cave, tout ça. Et puis là, t'arrives et t'ouvres les petites portes. Et la distance d'affichage qui est à l'époque était putain de bluffante. T'as toute la verdure de l'île. Tu vois la plage. Tu vois la mer. Et après, tu vois d'autres îles. Et ces autres îles-là, c'était. Presque la première fois, est-ce que c'était pas juste des fonds, tu vois, et ouais, après tu peux y aller. 2D, quoi. Tu peux y aller. Et ouais. C'était en quelle année Far Cry 2004. 2 Ah ouais, ouais. Non, Far Cry 1 2004, Far Cry 2 2008. Ah oui, là tu parlais de Far Cry 1, ouais. Pardon, excuse-moi. Far Cry 2 il a dû sortir en 2008. Ok. En 2000, oui, c'est possible. Dans la chronologie. Je crois. Ok, donc Far Cry 3, donc ouais, un des meilleurs. Enfin, si vous avez joué après c'était celui avec. Ça a lancé la formule pour les autres Far Cry, donc avec un méchant psychopathe, qui s'appelait Vass, je crois. Ouais, Vass. Ils ont fait même une mini-série derrière, c'est vrai. Et tout ça. Et après. Ils ont bien exploité le filon. Ils ont essayé de refaire toujours après des antagonismes. Dans le 4, il y a l'autre, la panne, je sais plus quoi, là en Inde. Ils ont essayé de faire à chaque fois. Dans le 5, c'est lequel c'est prime. Et après, il y en a un qui se passe aux États-Unis aussi, un peu, mais bon, voilà. C'est le avant-dernier, du coup, parce qu'il y a déjà un nouveau. New Dawn, c'est ça, c'est nul. C'est un intermédiaire. Il y a Primal aussi. Mais Primal, pareil en fait. Ça a l'air d'être nul. Ils servent de la même map. Mais moi, je trouve que là maintenant, c'est un peu devenu une parodie du truc. Il faudrait peut-être qu'ils cherchent un peu à se ressourcer. Moi, j'ai trouvé celui aux États-Unis pas mal. Attends, c'est lequel aux États-Unis ? C'est New Dawn ou c'est ça ? C'est le dernier qui est sorti. C'est New Dawn. C'est le 5. D'accord, c'est le 5. Mais New Dawn aussi en fait, parce que ça se passe au même endroit. Exactement. Parce que moi, le 4, j'ai pas du tout accroché. En Inde, non. Moi j'avais trop envie de tester, tu pouvais faire apparemment aller sur les éléphants. Ouais, tu peux aller sur les éléphants, tu peux faire du delta plane, tu peux faire plein de trucs, mais. Y'a pas le même feeling que le 3, quoi. Ouais, même que le 1, moi je dirais. Ah ouais. Moi le 3, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, j'ai pas accroché. Moi je suis d'accord, le 1, c'est jeu de légende. Moi le 1 et. Lui et Doom 3 qui sont sortis en même temps. Et ceux-là, je les ai foncés. Franchement, c'était super. Ok. Et ben justement. Il n'y a pas Doom 3. Pas Doom 3, non, il y a un jeu qui n'a rien à voir, il y a The Walking Dead édité par Telltale. The Walking Dead version scénario, on va dire. Qui a fermé Telltale d'ailleurs. Ouais. Triste, RIP Telltale. Ouais, The Walking Dead, moi qui j'ai commencé, j'ai joué la moitié du jeu, je crois, mais c'était bien sympa en fait, qui était une autre histoire. C'était épisodique, non ? C'était les épisodes. On a dit beaucoup. C'est un jeu assez. Enfin, comment on appelle ça le type de jeu scénarisé. Un point and click là, non ? C'est pas un truc comme ça un peu. Tu dois choisir entre deux à quatre options quoi à chaque fois et tu fais avancer ton histoire. C'est un jeu interactif en fait. Mais d'accord. Tu bouges aussi, je crois, le perso. Tu peux te balader dans une map aussi, me semble. J'ai jamais joué. Moi je pensais que c'était linéaire. T'as aussi un peu du third person shooter. Non, pas de shooter parce que tu tires pas vraiment. Mais juste c'est plus fois que j'y rejoue en vrai. Mais Walking Dead qui était très bien. Je sais pas, c'est pas un des premiers Telltale, si je dis pas de conneries. Je sais pas, un des premiers jeux de Telltale. D'accord, je crois que t'avais ouais, non, mais ça, est-ce que c'est pas un des premiers jeux de Telltale Game ? Non, je pense qu'il me semble qu'ils en avaient fait déjà. Il y a eu Wolf Among Us, est-ce que c'était avant The Wolf Among Us ? Est-ce que c'est Telltale surtout ? Je sais pas. Si, pour moi c'est complètement Telltale. Mais en fait, ils ont fait Batman aussi. Pour moi, c'est le jeu qui les a rendus populaires en fait. Sam & Max 2006. Ouais, Sam & Max. Ouais, c'est le, fait, le ouais. chien et le lapin là. Ah putain, ils ont fait les experts. Les experts Las Vegas, un jeu Telltale, ouais. Minecraft, ouais. Batman. Minecraft Story Mode, c'est maintenant sur Netflix. Ouais, c'est plus récent. Ouais, ouais. On peut retrouver sur Netflix. Ils ont fait aussi Borderlands, il me semble. Ils ont fait quoi, pardon? Borderlands. C'est possible. D'ailleurs. Pardon, excuse-moi. Cette fois, on va en parler. Ouais. Borderlands 2. Incroyable. Quelle année 2012. Quelle année. Et oui, incroyable. Borderlands 2, ouais, qui est sorti. Un jeu intemporel, Borderlands 2. Gros gros shooter, mais je suis passé à côté. Ouais, pareil, non, en fait. Non, j'ai envie d'y jouer, mais voilà. Ouais, y a pas bien le troisième qui sort. Si, le troisième est. Le dôme de Mad Max, c'était une extension du 2. Oui, c'était une extension du 2. J'ai un peu joué à ça. C'était pas super putain de dur. Si, mais en fait, à un certain niveau, tout était dur dans Borderlands 2. Mais incroyable, des heures. Je pense que je dois avoir 600 heures sur ce jeu. Ah oui, oui. Et je me rappelle des soirées à 4 parce que du coup, c'est encore un des. C'est un jeu rares... multi. Et oui, ouais. C'est un... non, mais multi. Tu peux encore jouer au multi sur le premier Borderlands? Sur le premier? Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est multi local, non? Mais c'est multi local, ouais, exactement. C'est exactement ça. Et c'est c'était. En rare, ouais, et je me rappelle avec mes potes, on séchait les cours pour faire du Borderlands. on faisait des nuits entières, on arrêtait, c'était le matin. Et on se motivait, on finissait par aller en cours. Mais je veux dire, putain, c'est, je pense que c'est une grande partie de ma période étudiante, Borderlands. Mmh. Donc, putain, ouais. Bah, 2012. Du coup, ouais, 2012. Ouais, grosse nostalgie, ouais. Grosse nostalgie, ouais. Ça faisait 2 ans que j'étais. 2-3 ans que j'étais en études supérieures. Ouais. Alors, haute nostalgie, du coup, il y a eu Mass Effect 3 qui est sorti en 2012. La saga Mass Effect. Passé à côté. Le 3, ouais, je sais pas. Est-ce que personne n'y a joué ici? Non. Non, et même la série Mass Effect, ouais. Je suis pas mal passé à côté. Ouais, c'est le genre de truc, je me suis dit, putain, il faut absolument que j'y joue parce que c'est, ouais. c'est des putains de classiques. J'avais lancé le 1 et en fait, ça m'a fait un peu l'effet Morrowind. C'est-à-dire que les graphismes avaient un peu vieilli et c'est dur de rentrer dedans. Mmh, je comprends. Et du coup, je me dis, un jour, je vais me faire que le 3, mais. Je me suis fait tellement spoiler de trucs, notamment avec la vidéo du joueur du grenier qui raconte toutes les fins. Ah oui. Difficile du coup de revenir dessus, mais ouais, un des gros regrets, grosse série à côté desquelles je suis passé. Ouais, très très grosse série. Mm-hmm. On a eu un jeu indépendant, pardon, je fais un accent, je sais pas pourquoi. Un jeu indépendant qui s'appelait Johnny Hallyday. Mm. Johnny, ouais. Développé par. That Game Company, donc ouais. Pas connu du tout. Celui qui se passait dans le désert là, ouais. Qui se passe dans le désert, ouais. C'est un jeu images, de coop. Là, d'action aventure, ça se dit. Je sais pas, après coop, je sais pas. Mm. Un arc game, comme on dit. Non, personne, ça vous dira, c'est juste. Non, si non j'ai vu des let's play. Ouais, pareil. Voilà. Non. Si vous avez... non, pareil. Halo 4. Oh là là, Halo 4. Sorti. Halo 4, ouais. Halo 4 que je n'ai toujours pas commencé. Si, j'ai fait la première mission. Il va y avoir le fameux pack avec tous les Halo qui va sortir. Là, le... ouais, et il y aura sur le PC, 4. Sur PC, voilà. Parce qu'il existe déjà en fait sur Xbox One. Oui, c'est ça. Donc, du coup, il y a quasiment presque tous les jeux Halo, sauf quelques jeux à côté. Enfin, il manque surtout Halo Reach. Okay. Qui est le préquel. Il sera pas dans le pack, ça, c'est ça? Alors, il me semble avoir entendu que Microsoft... va offrir Halo Reach aux joueurs de Xbox One, mais je sais plus. Sympathique. Je sais plus exactement si c'est ça, si c'est ça l'info ou quoi. J'étais aux toilettes moi pendant tout ce temps et j'ai entendu en différé que vous parliez de Journey et j'étais pas là, je suis trop deg maintenant. On revient sur Journey. Juste pour dire que c'était un jeu super, c'est hyper beau, c'est super contemplatif. C'est pas un jeu vraiment. Enfin, de coop, oui. Oui et non, en fait, tu vas te retrouver seul. Et si t'as de la chance, en fait, tu joues un peu en ligne, les gens peuvent rejoindre ta partie. Ouais, c'est genre, très discret, t'as très peu d'interface. Et tu peux croiser quelqu'un, interagir un petit peu avec lui. Mais c'est vraiment un jeu pour détendre et genre surfer sur les dunes de sable. Et genre, non, c'est magnifique. Ouais, c'est ça, ça avait l'air très beau. C'est un peu comme. Comment dire? T'as déjà joué à Monument Valley ou pas? Oui. Ah, c'est des énigmes un peu. Non, t'enlèves le casse-tête, c'est un peu dans ce genre où t'actives des artefacts. Non, c'est juste super beau en fait. Ok, c'est visuel surtout, ouais, c'est un art c'est game super du visuel coup, et sonore aussi. Ok. On a eu Max Payne 3 qui est sorti. Est-ce que vous avez joué au Max Payne? J'ai parce pas que joué moi Max je connais Payne. J'ai joué Crust, que 3. Mais un des premiers ou le 2 peut-être. J'ai joué peut-être au 2 à l'époque. Mais ça m'a pas laissé des. Je crois que Max Payne 3 n'a rien à voir. C'est pas un truc de démon Max Payne? Ah non, c'est que le film peut-être. Ah bon? Il y a eu un film Max Payne? Pas de souvenir. J'ai joué au 3 fait par Rockstar. flash qui est allumé. Ah, il y a mon flash qui est allumé. Le signal. T'as pas joué au 3 du coup ? Si, j'ai joué que au 3 justement. Et le 3 justement, c'est plus les mêmes développeurs qu'ils font. Parce que les anciens, c'était pas genre, ils avaient collé une image d'un gars, enfin une photo d'un gars sur la tête. Si, mais toi tu connais ce. Ça faisait un peu réaliste. J'ai un visuel bizarre en tête. Ouais, je vois exactement l'image. Quand je ferme les yeux, je le. Quand je dors. Cauchemar. Mais en gros, Max Payne 3, c'est un jeu un peu comme. Qui reprendrait l'histoire d'un personnage comme Michael dans GTA V. Et je crois que c'est lui. Et est basé sur le bullet time. En gros, c'est un espèce de mec. C'était Rockstar, non? Ouais, c'est Rockstar qui le fait. Mais oui. Et ça raconte l'histoire d'un mec qui en a un peu marre de la vie et des gens qui sont trop superficiels, mais qui, je crois, qu'il les garde du corps ou tu as un gage. Ok. C'était pas mal. On a eu Hitman Absolution. Absolution qui. Le PSN l'a offert il y a pas longtemps, je crois. Ouais, c'est possible, il me semble. Je suis un petit peu avec mon frère et on s'est fait repérer. Voilà, juste dans tous les jeux d'infiltration d'ailleurs que je fais, je pensais être discret, au final tout le monde meurt. Et enfin, on termine en beauté. C'était un peu pour Mervan parce que je sais que tu y joues. Hotline Miami. Ah oui, Hotline Miami. Je sais pas si toi tu y jouais. Ouais. Super cool. Bah, j'ai super connu, très Mervan, très bon. Visuellement et sonoriquement. C'est vraiment un jeu que j'ai poncé, le 1 et le 2. C'est vraiment du die and retry en fait, du die and retry. Mais ce qui est très bien, ce qui est en fait, c'est vite chiant souvent le die and retry à cause du son en fait, parce que tu crèves et puis tu te repayes la même musique, sauf qu'eux ils sont très intelligents, ils ont fait en sorte, il y a des super bons artistes électro qui ont fait la bande son et la musique ne recommence pas quand tu crèves, donc en fait déjà ça enlève tout l'aspect chiant. Et surtout tu continues à découvrir un peu de façon, même quand pour respawn, il suffit d'appuyer sur espace et espace tu l'utilises genre toutes les deux secondes, donc tu perds zéro moment, tu vois. Okay. C'est enfin tu crèves, t'appuies sur espace, tu crèves, t'appuies sur espace. Ah oui, t'as zéro chargement. Ouais. Non, c'est tac tac tac tac. Si, quand même, il y a des moments où est-ce que c'est méga frustrant. Oui, mais parce que t'as pas de frustration, tu dois te retaper toute une partie de niveau avant de mourir toujours au même endroit. Parce que t'as vraiment zéro checkpoint en fait, je crois. Si, il y a des checkpoints par exemple. En fait, ça dépend des niveaux. Il y a des niveaux qui, si le niveau il se passe sur un seul étage, t'as pas de checkpoint. Mais si par exemple il est très long et qu'il y a un seul étage, il y a pas de checkpoint. Si par contre il y a des étages dans le niveau, à chaque fois que tu meurs, tu reviens à l'étage à laquelle tu étais. Mais ce qui est vraiment, en fait, c'est que du gameplay et des visuels. Et puis aussi une putain de bande son, quoi. Il y a plein d'artistes électro. C'est Carpenter Brut, non, il y a Perturbator, il y a Moon, il y a Miami Nights, il y a vraiment plein de bons trucs. Ouais. Et voilà. Franchement, ça vaut le coup. Surtout qu'il est plus du tout cher. Et bon, sinon vous pouvez le craquer. Bah, franchement, sinon, je vais y penser. Allez voir sur Instant Gaming, c'est pas cher. Et ben on a terminé l'année 2012 en clôture comme ça. Putain, d'un c'est coup, fini. Les gars, c'est fou. Mais on va terminer en beauté. Ça fait un petit moment déjà qu'on parle. Ben, on va terminer par un petit jeu. Et quel jeu, j'ai envie de dire. Le meilleur des jeux que la Terre ait jamais créé. On parle de Cuisinema. On applaudit dans le public. C'est bien entendu à ça que tu pensais, Jess. C'est un jeu créé par Jules, qui est incroyable. Ouais. Incroyable, exact. Pitch-nous un peu ton jeu. T'as pas l'air convaincu. Ah non, incroyable, c'est ce que t'as dit. Voilà, je peux pas dire mieux. En quelques mots, 5 secondes de Cuisinema. Bah écoute, le principe de Cuisinema, c'est simplement de te faire deviner le nom d'un réalisateur ou acteur, ou on va dire personnalité, mixé avec un plat. Est-ce que tu peux me descendre, s'il te plaît? Je vais te spoiler du truc alors. Tu vas me. Ou je regarde C'est moi qui l'ai écrit. Bah ouais, mais descends et je te dis stop si tu veux. Ouais, mais moi je vais voir du coup le. Eh bah regarde pas, baisse les yeux. Ah, je ferme les yeux. Attendez. Tac tac tac tac. File-moi la souris. J'ai cru que j'avais vu. Ah non, c'est des tweets, c'est ça. C'est bon, c'est bon. Voilà, descends, descends. Hop, on y est. Okay, alors par exemple, j'avais fait l'exemple avec un réalisateur de la dernière fois. J'avais dit: ce célèbre réalisateur à base de pâtes est particulièrement savoureux lorsqu'on le déguste en regardant par exemple Le Pianiste. Est-ce que vous avez vu Le Pianiste déjà? Oui. Non, qui a réalisé le réal Du Pianiste? Il a été. Alors, je peux te dire que d'ailleurs, ce réalisateur a été. Il s'est pris un balance ton porc en gros il y a pas longtemps. Ouais, c'est pas. Gros balance ton porc. Un grand balance ton porc. Polanski. Ouais, Roman Polanski. Et alors, les plats à base de pâtes, c'est des ramen. Ramen Polanski. En fait, le but à chaque fois, c'est de chercher un jeu de mots avec tout ça. C'est tarabiscoté. Alors, cette fois, j'ai pas fait des réalisateurs, j'ai fait des acteurs. D'accord. On va voir si vous avez trouvé. Première question, première énigme. Cet aliment typiquement asiatique apportant loger un moment dans une auberge espagnole pour empêcher le mariage de Vanessa Paradis. Qui a fait ça? Moi je l'ai, mais je vais pas le dire. Mais je crois que t'étais avec moi quand on l'a mais trouvé. Mais il me semble, ouais, c'est parce que ça me dit quelque chose. C'est un aliment typiquement asiatique. Ouais. Et tu prends ça et tu le mélanges à un acteur qui a arrêté de parler. Qui a joué dans l'auberge espagnole. Qui c'est qui a joué dans l'auberge espagnole et qui a empêché le mariage de Vanessa Paradis dans un autre film par exemple. Waouh, ça je sais, je t'en... Vous avez pas le nom? Franchement non. Alors là vous m'étonnez. Vous est-ce qu'on peut avoir un l'auberge espagnole? Est-ce qu'on peut avoir un autre film dans lequel ce mec aurait joué? Récemment, Vernon Subutex. D'accord. Ah oui, bah c'est Vernon Subutex. Donc c'est l'autre là qui s'appelle Romain Garris et non Romain c'est pas quoi, Garris. Romain Martin Garrix. Romain Duris. Ouais, c'est ça. Romain Duris. Romain Duris. Mais ouais, bien joué. Mais putain. Tout simplement. Suivant. C'est à... et je crois que c'est toi qui l'as fait trouver, non? Je sais plus. Cet acteur à base de haricots blancs se cuisine avec des saucisses de Toulouse. Sa couleur, une fois prête, rappelle des rivières pourpres. Quand on mange. Attends, est-ce que je dis pas de conneries? Attends, non, attends, j'allais dire une connerie. Je peux le relire, attends. C'est le 2. Ouais, j'ai entendu lire. Non, ça marche, ça marche. Cet acteur à base de haricots blancs se cuisine avec des saucisses de Toulouse. Non, Pas exactement. Ouais, non, non c'est non, pas de la choucroute, du coup, c'est les haricots blancs, ouais. Les haricots blancs. Sa couleur, une fois prête, rappelle les rivières pourpres. Donc ça, c'est vrai qu'en plus, l'œuvre. La couleur, la couleur du plat, c'est comme les rivières pourpres. Ouais. Est-ce que ça trouve... Vous avez le droit de jouer dans le chat, hein, si vous avez envie. Ah, on l'a dans le public. Qui c'est qui l'a? Ouais, c'est toi. C'est Soline qui l'a. Ah, tu ok. Bah, mets-le dans le chat si tu veux. Ok. Dis-le silencieusement. Rivières pourpres. Surtout le plat, moi, c'est le plat sur lequel je me Comment dire? Par contre, est-ce qu'il a joué dans les rivières pourpres? Je me suis basé sur ça. Mais il a joué également dans Messrine. Dans Ocean's 12. 12 ah, okay. Ocean 12, il a joué. Vincent Cassoulet. Oui oh Vincent Cassoulet. Bravo. Ah, Mathieu Cassoulet, dommage. Ah oui, non, c'était Vincent. J'allais dire, il a joué dans la haine. Est-ce qu'il y a Vincent Cassoulet? C'est vrai que. Oui Mathieu Cassoulet. Mais il a pas joué dans les rivières pour bien. Il a réalisé les rivières pour bien joué, joué. Bravo. Numéro 3, cet acteur afro-américain. Regarde cette musique. Cet acteur afro-américain est souvent utilisé comme matière grasse en remplacement du beurre et a aussi la particularité de vous faire tout oublier. Margarine Freeman. Oh là là wow. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est vrai? Non, c'est c'était pas ça. C'était super bien pensé, mec. C'est bien trouvé, mais c'est ouais. pas ça. Mais okay. franchement, dans l'esprit, un acteur afro-américain, ouais. Donc utilisé comme matière grasse, oui. Mais en remplacement du beurre, qu'est-ce qui remplace le beurre d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui remplace le beurre? L'huile. L'huile Smith. Oui. Ah putain de merde. Ah d'accord. Ouais, ça, du coup c'est quand même. Ouais, mais pensé. Margarine ça pouvait Freeman, être aussi Samuel Huile Jackson. Ah ouais. On y a pensé, on y avait pensé, mais ça fait Huile Smith. Huile Smith. Cette actrice préparée à base de fruits et de sucre portée à ébullition devient princesse de Monaco en 1956. Je peux vous dire que c'est aussi le nom d'une chanson de Mika. Ah bah, je pense pas que ça vous aide. Ah, il y a un je l'ai. Alors j'ai marqué un indice si vous bloquez. On peut dire que ce mariage fut fructueux puisqu'il donna naissance à trois petits pépins dénommés Caroline, Stéphanie et Albert. Bah ouais, mais... Redonne le début du coup. Alors cette actrice préparée à base de fruits et de sucre portée à ébullition devint princesse de Monaco en 56. Elle devint princesse de Monaco. En 1956 donc. Donc il y a longtemps. Donc c'est pas Stéphanie. Non, c'est pas, non, c'est pas Stéphanie. Putain. La mère de Stéphanie. Ouais, du coup, avec de la compote ou un truc comme ça. Ah, c'est chaud. J'ai entendu dire Cascade. Ah, ouais, pareil, je cherche les chansons de Mika. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que sur le chat ils l'ont? Non. Je crois qu'il y a. Mathieu Cassoulet. Non, je déconne. Il y a quelqu'un. Non, mais c'est pas le. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas ça. Ah ouais, tu regardes le chat. Ah, il regarde le chat. Et non, car la glace n'est pas un aliment préparé à base de fruits et de sucre porté à ébullition. C'est pas de la compote, non? Presque. C'est un thé pour vous rapprocher. Ah, c'est de la confiture. Encore non, un autre. Ouais, ah non, putain. Ouais. C'est bah, pas en fait, ça. On pourrait tu peux en mettre confit, ça peut être sur une glace, par exemple. Tu vois, tu fais couler sur un une glace. Un coulis. Ouais. Et Grace Cooley, Grace Cooley. Bravo. Grace Cooley. Aïe aïe aïe aïe. Bien joué. Ah mais c'est ah, okay. C'est bon, enfin, c'est bon, hein. C'est bien écrit votre truc. Je pense qu'ils sont plus Cooley. Mal rédigés, faut que je joue un peu, faut que je joue avec les mots, c'est mon esprit rappeur. C'est la street. Oh là, ouais. Sur Grace Cooley. J'ai failli rapper en spoilant le prochain. Yo yo yo. Alors numéro 5 du coup. Cette actrice à pattes molles et à croûte fleurie fait figure de super-héroïne dans le milieu fromager. Ah oui. C'est d'actualité. Brie Larson. Oh, oui. Oui. Bravo. Bravo, bravo. Numéro 6, c'est une actrice dans laquelle on trempe son bout en groupe, si je peux me permettre. Sympa. Cette actrice très connue aux États-Unis se déguste sous forme plutôt liquide avec du vin blanc et du pain au bout d'un petit bâtonnet. Donc alors, ouais, non, mais si, mais oui, mais. Du coup, je vais jouer la musique qui stresse. Fondu quelque chose. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est fondu quelque chose, mec. Alors voilà, et mais la difficulté réside en trouver. Son prénom. Et là. Ouais. Jane Fondue. Bien joué. Ah alors, putain, franchement, j'étais un peu en stress parce que je me disais, ils vont jamais trouver et enfin, il va falloir que je donne des indices. Attends, parce que du coup, c'était quoi le début? C'est une actrice dans laquelle on trempe son bout en groupe. Ah, on trempe son bout, d'accord. Ah, c'était ça le fameux truc. Ok. Et je ne sais pas pour Jane Fonda, mais pour Jane Fondue, c'est le cas. Attention, la dernière qui sera très difficile. C'est la dernière. Cette actrice britannique est souvent le premier choix pour accompagner une multitude de plats, type pâte, riz, viande. Indice, elle a joué dans Only God Forgives, pardon. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, 4 mariages, un enterrement, et Il y a longtemps que je t'aime. Oui, ça, oui. Elle est connue, dis donc, c'est pas une actrice moderne, on va dire. Redis le début. Cette actrice britannique est souvent le premier choix pour accompagner une multitude de plats. Ouais, parce que sinon, si c'était pas une actrice, j'aurais dit Vin Diesel. Enfin, Vin Diesel. Ah, ouais. Un bon vin. Elle est le premier choix souvent pour accompagner des plats type pâte, riz, viande. Et sachant qu'elle est sous forme liquide aussi. Ouais. Ça, c'est moi qui le regarde. Vous l'avez dans le public ? Patrie, viande, mais ça doit être un truc de la sauce. Ouais. Voilà. En fait, c'est vrai, c'est vraiment pas facile parce que c'est pas une actrice. C'est pas une actrice connue, mais c'est celle qui joue. Elle est ultra connue, mais il y a longtemps c'est en fait. Dur, ouais, c'est dur de dire maintenant où tu du coup, quoi. Ouais. Ça accompagne quoi ? Patrie, viande. Pâte, riz et viande. Mec, je sais pas, c'est de la sauce ou un truc comme ça, mais. Ouais. Mais avec sauce. Mais sauce à quoi ? Sauce à quoi ? Attends, je vais crois que je vois son visage, mais je sais pas c'est quoi son nom en fait. La couleur des rivières pourpres, c'était quoi? C'est la couleur de cette sauce. Ah ouais, mais sauce. Sauce ketchup. Sauce ketchup. Je vois pas, c'est bon. Presque. Putain, sauce tomate. Sauce tomate. Et là, l'actrice maintenant. Hein? Trouver l'actrice avec sauce tomate. En plus, sa tête est vraiment. Au pire, montre que c'est pas genre Marie sauce tomate. Non, mais montre que sa tête. Montre que sa tête. Si t'as une photo qui est. Alors, je crois qu'elle joue dans un film avec Lambert Faut Wilson. Faut pas qu'il voit le nom, par contre, fais gaffe. Ouais, bah là, il est. Pas. C'est pas Marisol Thomas. Vous voyez la tête. Oh, je vois c'est pas très du tout qui c'est. Je vois pas du tout qui c'est. Non, c'est très très bien. Le public ne sait pas non plus. Alors, attends que je dise pas de conneries. Elle a joué dans le film Au bout des doigts avec Lambert Wilson, c'est sur un pianiste. Un pianiste, ouais. C'est. Aïe aïe aïe. Elle a joué dans Le Passé anglais, 4 mariages, un enterrement, Les heures sombres. Ils l'ont dans le chat. Sauce pesto, sauce tomate, sauce béarnaise. Et même un petit spéculoos. Pour accompagner des pâtes et du riz. On accorde le spéculoos. Non, bah. Non, là, j'ai pas. Les gars. Alors, attends, je pense qu'il y a moyen. Déjà, t'es sûr que ça s'écrit comme ça, son prénom? Oui, là je l'ai écrit. En fait, c'est un prénom qui est français. Non, c'est bien ça. Et que ça marche en anglais aussi, en fait. Non. Jean. Je sais pas comment... Elle a joué avec Christophe Lambert dans Les Voyages de Gulliver. Oh là là. Trop bien. Oh là là. Le chat ne l'a toujours pas. Ce serait un peu... Doxos. Doxos. Doxos. Doxos. Exactement. Est-ce que je donne la réponse alors? Ouais, on va le dire, je crois. Hein. La réponse était Christine Sauce Tomate pour Christine Scott Thomas. Non, d'accord, non, ça ne dit rien. Le jeu de mots était pas mal, mais du coup, il fallait connaître l'actrice. J'ai prévu, elle était très difficile. C'est dommage, vous auriez gagné le paquet de Malteser qui était derrière. Oh putain, on l'a même pas ouvert en plus. Ouais, c'est pour ça. Ça sera pour l'after. C'est pour ça, ça fait un prix et malheureusement, vous êtes des merdes. Désolé, on va se quitter sur cette défaite. Oh non. Oh, ouais, les gars, c'est une déception unanime. Mais il y a des Maltesers. Ah ouais. Pour le bon. bon côté. Attends, y a le public, en tout cas, il y a le public qui nous fait signe, je crois. Bon, non, vous voulez donner. Ouais, allez. Alors. Mais en fait, quand c'était des plus vieilles années, j'avais fait un message à notre. Je parle du nez là, ça y est, je suis malade comme un chien. j'avais fait un message à notre nous du passé. Mmh. Ça marchait bien quand on était enfant. Alors après, si vous voulez donner un nom. Un après, là, on était adolescent, etc. Moi, j'avais 15 ans, par exemple. Toi, Jess, t'avais au moins 32 ans, non, à peu près. Ouais. Non, en plus. C'était déjà au moins 41. Oui. Ouais, putain, ouais, il était ménopausé, même, je crois. C'était avant ou après l'implantation des cheveux Bah, ça dépend, parce que je sais que le dentier, c'était genre avant. C'était dans cette époque-là. Avant ta crise. Ouais, c'était les années. Non, mais c'est simple, parce qu'il y a eu le dentier, la canne et après les cheveux. Ouais, la crise de la quarantaine est déjà bien passée. Ah, ouais, non, carrément. Tu t'es marié 3 fois. Non, mais du coup, ouais, bah voilà, on était ados. Après, un message, c'est dur. Non, mais c'est plutôt. Est-ce que c'est plutôt en mode qu'est-ce que tu dirais si tu pouvais revenir dans le temps, qu'est-ce que tu dirais? Ok, d'accord. Ah, okay. Ah, c'est pas qu'est-ce que tu vas dire au mec du futur qui va faire un podcast. Qui était en habit fluorescent là. Non, mais qu'est-ce que tu lui dis à ce volume? Moi je dirais, crée-toi un compte Reddit et spoil 15 ans de MCU. moi je le fais direct. Genre, je reviens et je joue et je spoil tout. Je dis Disney rachète Lucasfilm et tout, nouvelle trilogie, qu'est-ce qu'il y a pas, et ouais. Personne ne me croit. Moi je dirais acheter des actions. Ouais, tu présentes acheter des actions du MCU. Ouais. C'est vrai. Putain. Bah 2012, non, l'idée du MCU. Ah oui, non, j'avoue. C'était déjà bien engagé. Ah bah ça vous. Ouais, ça venait de. Non, mais il aurait suffi de pas grand-chose, tu vois, genre un bon film Captain America, Captain Marvel. Les gens ils auraient dit, mais n'importe quoi. Ça n'arrivera jamais. Captain Marvel, ouais, il dirait, vous êtes fous. Non, mais voilà, du coup. Ouais. Moi, je dirais, à mon moi du passé, je lui dirais, accroche-toi. Parce que. J'allais dire la même chose. Ouais, parce que, ça a décoiffé. Hein. Ouais, mais sur tous les aspects, parce que du coup, c'était l'époque où j'étais un peu perdu dans mes études, je savais pas trop où j'allais. Je me suis dit, putain, mais je vais finir sous les ponts, c'est pas possible. Mais du coup, ouais, non, je me dis, accroche-toi, ça. Parle bien, ça va venir, ça va aller. C'est beau. Okay. C'est beau. Je me serais dit la même chose que toi, c'était pas par rapport aux études, moi j'étais encore en seconde en 2012. Ça se voit d'ailleurs, t'étais souriant à l'époque. Oui. Bourré. Non. Moi je dirais d'aller se couper les cheveux. Oh, ça clash. Ok, ah ouais, toi. Non, mais moi. Ah oui, moi, et t'enlever ce chapeau. Non, mais lui, ça va. J'allais dire nique ta mère. Je te le dis. Non, ouais, je me serais dit aussi, accroche-toi. Tu sais pas encore ce que tu veux faire aussi, mais t'inquiète pas, tu vas trouver. Parce qu'il est ingé son, hein, on le rappelle. Oui. Et puis je fais des podcasts aussi. Enfin voilà, tu feras des trucs qui. Tu feras des trucs qui te paieront, de toute façon, t'emmerdes pas. Voilà. Et toi, Clément, alors qu'est-ce qui... Bah pareil, mais moi j'avais 15 ans. J'étais même pas encore au lycée. J'étais pas encore en seconde, je crois. Bah. 2012. Non. T'as quel âge? 15 ans, t'as dit? T'es en 3ème normalement. Ouais, voilà, c'est ça. Ah non, t'es en seconde, 15 ans. J'étais peut-être déjà en seconde alors. Non, il est en troisième normalement, 15 ans. Je crois en troisième. J'avais 15 ans en troisième parce que j'avais redoublé moi. Ouais. Mais Clément était un élève studieux. Ah, il a. Non, mais du coup, bah ouais. Et je lui dirais, t'auras ton bac, t'inquiète pas. Ouais, ouais, ça c'est vrai, c'est important. Continue dans ta passion pour le cinéma. Mais bon, même si maintenant ça me mène pas encore à grand chose, mais ça va venir. Ça viendra. Bravo pour ton 15 ans d'art plastique. T'inquiète, ça ira. Félicitations. Moi je dis, écoute la voix du Clément de dans 10 ans qui est en train de te dire t'inquiète, Clément, accroche-toi. Ça va. T'auras une barbe et tout, tu te feras moins enfant. Ou alors il te dit non, mais franchement, trouve un vrai boulot parce que sinon ça va être Pôle emploi pendant le reste de ta vie. C'est ça. Ouais, mais non, ça va, mais tu chasses la bonne en place, c'est ça. Faut te dire que ça va rouler, mais que par contre les boutons sur ton sexe, c'est pas normal. Faites checker parce que ouais, ça m'arrange. Faites checker avant 2019 parce que ouais, bon. Non, puis mec, 2019, tu auras Endgame et tout. Ouais, tu vas kiffer quoi. Parce que là, il y avait Avengers. T'es complètement pas prêt pour Infinity War. Voilà, pour moi, il y a pas d'autres Avengers à ce moment-là. Et là, le Clément du futur, il se marre. Oh, t'inquiète, Disney, ils avaient encore du pognon à se faire. En tout cas, bah, merci les gars d'être venus pour cette année 2012. Bah, merci à vous. Le plaisir a été pour moi. C'est un immense plaisir. Ouais, franchement, c'est comme ça. Bah ouais, à chaque fois, nos invités sont en or. En or. Oh, je vous le dis. Où est-ce qu'on peut vite fait vous retrouver sur... Nulle part. Ouais, voilà. Non, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans mon lit Ne me retrouvez pas. Sur Apex Legends, pour ne me retrouvez pas, s'il vous plaît. Petite augmentation, peut-être. Un petit RTT. Ah non, ça va. Moi, je suis en vacances et mon augmente vient de tomber, donc ça va, je suis tranquille. Un film que vous attendez, quelque chose? Non, ouais, un petit troco. Godzilla. Moi, j'attends un petit peu Godzilla. Godzilla, ah. Oui, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air. J'ai adoré bien. En fait le premier. Ouais, le premier était vachement bien. Vachement bien. Bah, bonne continuation en tout cas. Vous. Bah, merci. Et allez voir Avengers. Ouais, voilà. Il me tarde. Il me tarde. Et on se retrouve pour bientôt pour un épisode 5. Jules, on mettra un peu moins de temps entre les épisodes hors série sur Avengers. Ouais, peut-être si on se chauffe, on fait un épisode hors série entre temps. Mais on mettra un peu moins de temps entre deux épisodes, puisque là ça faisait un an et demi qu'on n'avait pas fait de. D'épisodes, Julien, ça c'est super important. On va essayer de tenir un rythme. Ouais, prendre un rythme un peu plus régulier. Oui. Ou au moins faire un épisode hors série, en tout cas, voilà. Merci voilà. À tous ceux qui nous ont suivis. On va pouvoir vous lâcher parce que le public attend Voilà. Merci. Oui. Merci au public qui était présent ce soir. Merci au premier public. Pour toutes ces petites indications aussi. Voilà. Et les rires quand c'était pas toujours drôle. Merci à vous qui étaient dans le chat, qui nous avez écouté tout le long. Merci à ceux qui nous écoutent et qui sont fidèles au replay à chaque fois sur YouTube et sur Spotify. Et merci à ma mère qui m'a porté pendant 9 mois. Ouais, wow, bah, c'est bon. Que ça, c'était... Non, c'est bon. Ça c'était compliqué quand même, faut pas déconner. Quand tu étais là. Ouais. Hein le sage-femme. Attends, mais tu fais quoi là? T'as fait naître Jules en fait. En fait, Jules. T'en caches le micro. Je suis ton père. Ouais.